Avec Rémi, on commence par le temps. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Et encore 14 départements en vigilance orange pour les crues ce matin dans le centre, en Île-de-France et en Haute-Normandie. L'eau se retire petit à petit et les inondations ont été limitées dans l'Eure et en Seine-Maritime. Côté ciel, eh bien, c'est nuageux ce matin, mais seulement des côtes normandes au Pays de la Loire. Retour d'averses localisées et d'orages cet après-midi de la Normandie à l'Alsace en passant par l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, eh bien, enfin, le soleil fera de belles apparitions. Les températures ce matin, 10 degrés à Manosque, 11 à Saint-Étienne, 12 du côté de Limoges, 13 à Lyon et à Lille, 14 à Toulon, 15 à Avignon, 16 à Marseille et à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 22 à Quimper, 23 à Rennes, 24 à Marseille et à Lille, 25 du côté de Montpellier, 26 à Lyon et à Paris, 27 à Carcassonne, 28 à Avignon. Et puis la pollution, bah c'est pas terrible en ce début de semaine. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Nice. 4 morts et 24 blessés, c'est le bilan des inondations qui ont frappé principalement le centre et l'Île-de-France. La semaine dernière, Manuel Valls réunit plusieurs ministres ce matin avant de se rendre à Montargis dans le Loiret. L'heure est désormais au bilan. Les représentants des assurances évoquent une facture qui pourrait dépasser le milliard d'euros. 7800 foyers sont toujours privés de courant ce matin. Le RERC reste fermé dans Paris intramuros, tout comme l'A10 au nord d'Orléans. Dernière journée de négociations sur le temps de travail des cheminots. La CGT et Sudrail maintiennent la pression. La sixième jour de grève, moins de galères tout de même sur les quais, avec 6 TGV et TER sur 10, un intercité sur 3 et un transilien sur 2. Une semaine difficile sur le plan des contestations, alors que l'euro débute, vous le savez, dans 4 jours. Dans le secteur de l'énergie, une mobilisation est prévue jeudi. Plusieurs raffineries sont toujours en ralenti ce matin. La grève touche désormais les éboueurs et les égouttiers. Le plus gros centre de traitement des déchets d'Île-de-France est bloqué depuis une semaine. Enfin, ça ne sent pas bon du côté d'Air France. Les syndicats des pilotes appellent à cesser le travail du 11 au 14 juin, notamment pour défendre l'emploi. Le début aujourd'hui du Ramadan, annonce faite hier par le Conseil français du culte musulman. L'Aïd, qui marque la fin du mois sacré, aura lieu autour du 5 juillet. Entre 70 et 80% des musulmans français pratiquent le jeûne. Bon Ramadan, en tout cas, si vous êtes concerné. Et puis, la petite visite au bleu de François Hollande. Le président s'est rendu hier à Clairefontaine, où il a dîné avec les joueurs et le coach Didier Deschamps. Il a reçu un maillot avec le numéro 24 floqué de son nom, genre 24e membre du groupe, quoi. Le message a été clair, hein, la France compte sur vous. Peu de temps avant, en conférence de presse, eh bien, le président a rappelé que la menace terroriste existe pendant l'Euro. Quoi qu'il en soit, place à la fête. Les équipes commencent à arriver en France. Les Anglais ont débarqué hier, alors que nos premiers adversaires, les Roumains, sont déjà sur la région parisienne et se sont même déjà entraînés. Donc ce qu'on sait, c'est que s'il y a un joueur qui manque, c'est François Hollande qui le remplace. Exactement. C'est le 24e homme. Voilà, vous entendez les gars, faut pas se blesser, hein, sinon on est vraiment, vraiment dans la merde. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve tout à l'heure à 6h30. Ouais. On vous souhaite une bonne journée, un bon réveil. Il est 6h du matin sur Skyrock. On est lundi, on est le 6 juin. Ouais. C'est parti pour le morning. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le morning de Diffoul. The morning show! En direct sur Skyrock. Et on reparlera évidemment de l'euro dans cette matinée. On aura des places à vous filer sur Skyrock. Encore toute la semaine, on a remis 200 places en jeu. Allez les bleus. Semaine. Et oui, on vous offrira des places avec le Crédit Agricole. Romano arrive avec son Allez les bleus. Ouais, ta perruque bleu, blanc, rouge que t'avais. Mais ça y est, là, je vous ramène la décoration ce soir. Ah, ce soir, ne loupez pas la radio libre parce que c'est une grosse journée, hein, qui démarre, une grosse semaine qui démarre sur Skyrock avec donc le match vendredi. D'ici là, plein de places à gagner avec toute l'équipe. Et ce soir, donc, la décoration du studio de Skyrock, de la radio libre. Et des membres de l'équipe aussi. Et des membres de l'équipe. Ah ouais, j'ai trouvé. Par contre, il va falloir que tu me prêtes ta carte bleue parce que j'ai toujours pas. Ah ouais, mais j'ai un problème avec ma carte bleue. Non, t'as un problème au bras. Oui, toujours. C'est juste de me l'attendre, je vais me servir moi-même. Ce qui est bien, c'est qu'à la radio, vous rendez compte de rien, mais prendre en écharpe, c'est pratique. Ouais, mais t'as l'air. C'est banal. Pratique parce que, regarde, tiens, un petit coup de froid, l'écharpe que j'ai autour du bras, je me la mets autour de la gorge, c'est super. C'est bien pratique. Mais là, ton bras, il est pas fixé un peu bas. Je sais pas, mais j'ai mal. J'ai mal, comme le dirait la crime. Ah. Bonjour à toute l'équipe, d'ailleurs, j'ai pas salué. Bon Ramadan, Karim. Bah, merci, bon Ramadan à tous. Mabrouk Ramadan. Merci. Sartek Ramadan. Ah. Ouais, c'est le mec. C'est le mec enculé. Quelqu'un va me chercher un coca, un café. Ouais, j'y vais, vas-y, je te donne ma part. C'est quand même agréable le matin pour. Bon Ramadan à vous. Faites bien la teuf. Bon courage, profitez bien. Et puis bonjour Cariole. Bonjour. Bonjour Cédric. Ouais, bonjour tout le monde. Et puis bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là tous les matins. Bonjour à Cyril. Tiens, je regarde les messages. Je vais juste jeter un œil sur les messages. Il y a déjà du monde. Cyril, Sansan, Marocchino qui vient d'arriver. Bonjour à Jules également. Bonjour à vous. Vous nous laissez des messages tout au long de la matinée au 41-759. Et sur l'appli Skyrock. En plus, on va jouer ensemble ce matin. Je vous disais, il y aura des places de foot à gagner. Places de foot pour cette matinée. Je vous dévoilerai le match un petit peu plus tard. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Il suffit de faire tourner, la roulette. Ouais. Alors ça y est, c'est la Deschamps Mania. C'est parti. regardez, Deschamps mania. Je suis tombé sur un sondage. Alors, les Français jugent Deschamps plutôt sérieux, compétent, simple, ouais. Sympathique, intelligent, ayant de l'autorité, proche du public. Jusque-là, pourquoi pas, tout va bien. Mais également, s'exprimant bien. S'exprimant bien. Quand je vous dis que c'est la Deschamps mania, pour dire que Deschamps, bonjour, c'est Didier Deschamps, s'exprime bien, ah, faut s'accrocher. 44% des Français dans un sondage qui est sorti hier. 44% des Français. Je m'exprime bien, je sais que c'est Glissman. Ouais. André Glissman. Non, je crois pas tout à fait. Non, ce n'est pas André. Deschamps. Non, c'est quoi son prénom d'ailleurs, Griezmann? Joseph. Joseph, non, c'est André, il avait une lettre de bonne. Non, mais attends, ouais, la première. Non, mais tu sais que je connais pas son prénom. Antoine. Ah voilà, Antoine Griezmann. Bah non, mais si on les appelle tellement par le nom de famille que des fois les prénoms ça bon. Vient pas tout de suite. Allez, on enlève les noms de famille, on va les appeler Grizy. Ouais, c'est Grizy. Allez, il y a Grizy. Bon, on reparlera de l'Euro ce matin, c'est un vrai sondage que je vous ai donné. S'exprimant bien, Didier Deschamps, 44%. Ah, je m'exprime bien. C'est ça, non, tu t'exprimes bien. Ouais. C'est ça, l'exprime c'est aux Jeux Olympiques, hein, Didier Deschamps, c'est pas à l'Euro 2016. Bon, l'Euro avec des places à gagner sur Skyrock, 200 cette semaine. Un bon réveil à vous. Et puis tiens, on parle sport. On est des grands sportifs sur Skyrock, premier sur le foot, mais également premier sur le tennis. Oui. Oui, vous avez peut-être entendu cette voix là derrière moi. Vous avez reconnu cette belle voix. Elle est très heureux d'être avec nous. Je suis très heureux d'être parmi vous tous et merci vraiment de l'accueil que vous m'avez réservé. Ah, c'est le bon vieux Nelson. Ah, oui. Ah, mais vous l'avez reconnu tout de suite. Oui. Ah, bah oui. Nelson Montfort. Je vais donc essayer de respecter parfaitement mon surnom dans l'audiovisuel. Oui. Nelson Montfort, qui est donc Melson moins fort. Voilà, c'est ça. Et en plus, il a de l'humour. C'est le réveil de star qui arrive. Vous avez pas vu hier, il s'est fait jeter. Et justement, on en reparle tout de suite sur Skyrock. Préparez-vous. Il s'est fait jeter au tennis. Vous voulez tout savoir, Nelson Montfort s'est fait jeter. Les familles de France vont se faire réveiller. Le réveil de star arrive. Et le son de Drake est là à 6h04 en ce lundi matin. Drake, c'est One Dance. Tiens, on a un petit Jason Derulo qui arrive. Ouais, trompette. Et un petit afro-trap d'MHD aussi tout à l'heure. Allez, c'est parti pour une grosse matinée, une belle journée à vous. Et donc, Drake, One Dance, c'est sur Sky à 6h04. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Baby, I like your stuff. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Wet, I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, on écoutait le son de Drake. Bonjour et bon réveil, il est 6h08 sur Skyrock. Le réveil de star arrive comme tous les matins aux alentours de 6h10, à 7h50 et à 8h50 aussi. Une star vient réveiller les familles de France et ce matin, c'est Nelson. Nelson Montfort, mais oui, on n'avait jamais Nelson Montfort. Nelson Montfort lui-même. De Roland Garros, là. Oui, avec sa blague Nelson moins fort. Ouais, Nelson moins fort. Oui, il est très drôle, Nelson Montfort. Vous savez qu'il devrait faire un one-man show, lui aussi. En même temps, hein. il a qu'une blague qu'il fait depuis 20 ans. Donc. Oh, bah, tu sais, Arthur aussi. Hein, c'est vrai. Faire un one man show, hein, tu sais, c'est vrai. Hein. Alors Nelson, qui suis-je? Bah, Nelson. Non mais tu es Nelson Montfort, ça fait deux minutes qu'on en parle. L'autre comprend rien. Non. Alors Nelson, on s'est fait jeter hier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé alors, Mano? Alors moi, je sais pas, j'ai pas vu les images en direct hein, parce que le tennis c'est pas mon truc, mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait Nelson a priori a été dans la zone des entraîneurs, dans les tribunes. Ouais. Et il y a Andy Murray qui est en finale contre Novak Djokovic. Djokovic qui a gagné. Et ouais. A priori Andy Murray a très mal pris le fait qu'il aille discuter avec les entraîneurs. Et en fait, il a été le voir et lui a dit en gros, casse-toi de là, quoi. Voilà. Il a dit, dégage de la zone d'entraîneur. A priori, nous avons les sons. A priori. Une magnifique rencontre. Après tout, mon Dieu, ce n'est que du sport. Ce n'est que du sport et un râteau, hein, on peut le dire comme ça. C'est bon, Difoul, tu l'as le râteau? Oui, vas-y, fais-moi écouter. Alors, attention, le râteau. Fais-moi écouter le râteau de Nelson Montfort. C'est pour vous, c'est sur Skyrock ce matin. Ah, il dit, je sais pas ce qu'il fait. Il demande à quelqu'un de bouger dans son clan. J'en sais rien, mais en tout cas, continue. De leur parler. Voilà. Oui, bah voilà. Et c'est... celui à qui il demandait à bouger, c'était Nelson Montfort. Ouais, il faut partir. Nelson, oui. Il s'est fait jeter de la zone des entraîneurs. Nelson, faut me dégager. Allez, maintenant. Tu dégages, Nelson. En fait, tout le monde en peut plus. Même les joueurs internationaux, ils disent, putain, il y a Roland Garros, il y a l'autre lourd qui va être là, quoi. Il arrive. Il y a Nelson, non, pitié. Bon, Nelson, tu es là. Nelson. Oui. Non, je crois pas. Il est là, ça, allez, c'est parti. Allez, réveil de star. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Alors, réveil de star avec ce matin Nelson Montfort, ça vous avez bien compris, qui réveille Hervé. Et je crois qu'il va être là aussi pour les Jeux Olympiques de Rio, ça va être terrible. Ah merde. Oh là là, France Télévisions, terrible. Hervé. Bonjour. Nelson. Ouais, salut, c'est qui? Je suis prêt à répondre naturellement à votre question, mon cher Hervé. Votre question était du reste tellement pertinente que je l'ai oubliée. Je dis allô, oui, bonjour, c'est qui? Nelson Montfort, qui est donc Melson moins fort. Ouais, très bon, ouais. Nous sommes en direct. C'est bien, bah écoute, je suis bien content d'avoir pu faire un peu d'audimat, si tu veux. Ouais. On a établi vraiment une superbe complicité. Ouais. Il pourrait être un petit peu mon petit frère. Et... Oh, c'est gentil. Le petit frère de je ne sais pas qui, mais je veux bien. Nelson Montfort, bah ok, bah écoute, hein. Mais ils sont moins forts aussi, alors. Pour gagner du temps, je vous éviterai également la traduction américaine de mes propos, n'est-ce pas? Donc comme ça ira plus vite. Bah ouais, il faut. J'ai appris l'anglais en même temps que le français. Ouais. Et effectivement, je n'ai pas de traducteur parce que je n'en vois pas le besoin. Bah non, tu te débrouilles très bien. Je me débrouille en italien, en espagnol. J'ai quelques notions d'allemand. Ok. Et je vais vous faire une petite confidence. Je suis en train de peut-être pas d'apprendre, mais en tout cas de me mettre un petit peu au russe. Ah ouais. Et peut-être un peu tard pour ça. Je ne sais pas. Moi, je parle français, picard, et puis un peu de charabia aussi, ouais. Et c'est très bien ainsi. Bah, je ne sais point, mais vas-y, tu es au bétail, quoi que tu fous là, tu vois pas que tu me téléphones à me poser des questions que je n'y comprends rien. Le russe est une langue qui me motive énormément, surtout depuis mon séjour à Moscou l'été dernier. Ouais, bah écoute, t'as de la chance. C'est bien, tu vois du pays. Bof. Auf Wiedersehen, ich liebe dich. Bon, allez, ça n'a ni queue ni tête, là. Je commence à me lasser. Je sais pas quitter, c'est bien sympa. On a discuté un petit moment, puis c'est bien. Je vous embrasse tous. Ouais, bah moi aussi, si tu veux. Ah, vous êtes excellent. Allez, ciao. See you soon. Très bien. L'autre, il nous a fait de l'allemand, il nous a fait du russe. Mais alors, le picard, c'est pas du russe, Nelson Montfort. Non, hein. Il a des progrès à faire en russe. Et en picard, moi, j'ai tout compris. Hein. Vous avez vu, accueil, ciseau. Exactement, Romano, tu viens de répéter ce qu'avait dit le monsieur Hervé. Le monsieur picard. Voilà, merci, Nelson Montfort. Et bravo à Djoko qui a gagné son premier Roland Garros. Ouais, ben bravo, ouais. Premier Roland Garros de Djokovic, on en reparlera tout à l'heure. Vous aurez toutes les infos sur le sport avec Rémi. Allez, dans un quart d'heure et dans un instant sur Skyrock, on va jouer ensemble. N'oubliez pas aujourd'hui, on a des écrans, bon, à vous filer des écrans Samsung. Samsung, évidemment, le dernier. Des écrans 4K, ouais. Ouais, vos télés, en fait, pour regarder les matchs de l'Euro. Je vous l'annonce, on jouera à 7h20 tout à l'heure pour vos écrans. À 7h20, j'aurai un faux mytho. Et dans un instant, il arrive, c'est le chronotune. Ah, 300 euros à choper. Ouais, et Jason Derulo tout de suite. On écoute Trumpet sur Skyrock. Every time that you get undressed, I hear some symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. And the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking. You, oh, oh, yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go, and they play for you, girl, and the trumpets they go. Every time that you moan, oh yeah. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. And the trumpets, there you go. Acapella on them. There you go. Et hop là, on a senti les trompettes pour se réveiller ce matin à 6h16. Bonne journée à vous. Attention, attention, n'oubliez pas les places de foot à gagner. Je vous annoncerai le match tout à l'heure. On peut jouer n'importe quand. On ne dit tu jamais avant 7h, dit Foul. On le fera avant 7h, c'est promis. On va jouer n'importe quand. Dans la semaine, on a plein de places à vous filer. Et on vous offrira vos places ce matin pour aller voir un des matchs de l'Euro. On a tous les matchs de l'Euro jusqu'à la finale du premier match de vendredi avec les Français. Allez les Bleus. Jusqu'à allez. La finale avec les Français aussi, hein. Puisque vous le savez. On sera champion d'Europe. Ouais, mais tu regardais TF1. Samedi soir, t'avais l'impression qu'on était presque champion d'Europe. Champion, mon frère! Champion, mon frère! Bah, en même temps, vu le prix qu'ils ont payé les matchs, c'est clair que les chaînes de télé préfèrent qu'on aille plus loin. Je sais pas si vous avez vu Pogba, à la fin du match, il y avait Pogba à la sortie du match de foot. On a gagné 3-0, hein, je vous le rappelle, quand oui. Même, contre les Écossais. Hein. Oh, on les a mis mal, les Écossais. Ah putain, moi, je me suis réveillé à 23h, moi. Ah, c'était fini le match. Non, mais attends, j'ai pas vu. Alors, je te le dis, Romano, on a marqué 3-0 et Pogba a fait une petite interview à la fin du match et il a déclaré. C'est là qu'on voit que c'est des vrais compétiteurs. Il a déclaré, alors pour gagner l'euro, tu sais, d'habitude ils disent pour faire un bon euro, tout ça. Lui non, c'est carrément pour gagner l'euro. Il est dedans, Polo. Ah bah c'est bien. Et ouais, je me suis réveillé à 23h moi. Ah ouais, pas de chance. Tu sais, je me réveille, je fais putain, mais il fait vachement noir pour 20h30. Ah, il était 23h. Et je fais putain, mais le match, je fais c'est chelou, il y a pas, le match est bizarre. Et en fait, après, je me suis rendu compte en regardant la pendule. Et bah oui. Pas bête. Mais bon, à 23h, on avait gagné 3-0. Ouais, j'ai vu, Giroud a marqué 2 buts. Ah là là. Soyez là, une grosse semaine qui nous attend. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué 2 buts. Et mais oui. Schneiderlin, il en a mis un. Non. Non, non, c'est Koscielny. Koscielny, oui, Koscielny. C'est Koscielny qui a marqué. J'avais un nom bizarre. Ouais, c'est pas grave, Karim. Ah. On est sur le foot, Karim. Ouais. T'es sûr que c'est pas Benzema plutôt? Non, hey, on va mettre ça sur le compte du Ramadan. Ouais, ouais, c'est ça. Hein, ouais. Bon Ramadan, Karim, la fatigue commence. Merci, déjà. Ça commence, ah putain, tôt. Ça promet dès le premier jour. Eh ben oui, il a plus d'énergie pour alimenter le cerveau, t'imagines. C'est terrible. Bon, allez, on va jouer ensemble sur Skyrock. C'est parti pour notre grand jeu du morning. Le premier, en tout cas pour ce matin. Le Chronotune. Et là, il y a 300 euros à gagner. Ouais, vous voulez gagner 300 euros dès le réveil, c'est sur Skyrock que ça se passe. Allez-y, vous nous laissez vos messages sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. On va parler d'un papa. Combien vous voulez d'enfants, tiens, dans la vie? Cariole, t'en veux combien? Oh, je sais pas, on verra. D'accord. ça veut dire, je suis pas encore prêt. Pas pour l'instant. Romano, t'en veux combien des petits Romano comme toi, chauve à lunettes? Ouais, un. Hein, parce que s'il est aussi relou que moi, je préfère en faire qu'un. Je confirme. Ouais, on va s'arrêter à un. Un seul. Cédric, t'en veux combien? Un petit belge. La moitié, parce que s'il est aussi gros que toi, la maman, elle n'arrivera pas à le porter. Non, un petit belge, moi. Et Karim? Oh, un de chaque. Un de chaque, c'est-à-dire? Ça fait deux, un garçon et une fille. Ah, d'accord, très bien. Alors, on va parler d'un papa de 35 enfants. Il est pakistanais, il a 35 enfants. Ah, mais il a bien travaillé. Et il a passé une petite annonce et on va l'aider ce matin sur Skyrock. On lance un appel. Vous voulez, les filles, avoir des enfants? N'hésitez pas parce qu'il a un but dans la vie, ce garçon. Il en veut plein d'enfants, mais encore plus que ça. Pour l'instant, il en a 35. Il a passé une annonce, il cherche des femmes. Ah. Et il cherche des femmes parce qu'il veut arriver à un chiffre d'enfants dans sa vie. Enfin, un nombre d'enfants dans sa vie. Combien d'enfants il veut? Le Pakistanais, célèbre Pakistan, il fait le buzz là-bas. C'est-à-dire, on fait le tour du monde sur Skyrock. Tour d'Europe, l'Euro, le tour du monde avec le Pakistanais. Combien il veut d'enfants? C'est la question qu'on vous pose. Si vous avez la bonne réponse, vous nous laissez tout ça au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Un petit truc qui pourrait vous intéresser, les filles, profitez. Ah ben ouais. Vraiment, n'hésitez pas. Vous couchez avec lui, un cadeau, un enfant cadeau. Allez, oui. Hop. Allez hop, combien? Un, pas sûr, peut-être même plus. Ça veut dire, lui, il a une bonne graine. Hein. Oui, oui, c'est clair. Il en met partout. Alors, combien il en veut des enfants? Vous nous dites. Et la bonne réponse, bien, se retrouve en direct avec nous. Et vous jouerez avec nous pour 300 euros. Vous voulez 300 euros? C'est parti, n'oubliez pas mon numéro de téléphone au 41759 et sur l'appli. On vous attend, il est 6h19, pratiquement 6h20. Bon lundi avec Sky. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016! Ah oui, allez les bleus! Et écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. À Lille et Lens, Saint-Etienne et Lyon, Nice et Marseille, Bordeaux et Toulouse. Et au Parc des Princes et au Stade de France. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs! Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marly-Gaumont. Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marly-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zynga et Aïssa Maïga, d'après l'histoire vraie de Camini. Le 8 juin au cinéma, avec Skyrock. Avec les offres Trilogy, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. Dirty Papy. Jason allait se marier, mais son grand-père s'en est mêlé. Si tu l'épouses, tu vas t'emmerder jusqu'à la fin de tes jours. Et il faut toujours écouter son papy. Lâche-toi un peu. Enfin, sauf lui. T'es à poil. Ce soir, on va pécho. Oh putain. Dirty Papy avec Zac Efron et Robert De Niro, comme vous ne les avez jamais vus. Sans déconner. Dirty Papy, en Blu-ray, DVD et VOD. Avec Skyrock. Skyrock. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare. Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidé à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. Génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non, j'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédit.

jouer, nous. Allez, on va jouer, c'est l'heure du chronotune, là, maintenant. Vous jouez avec nous au chronotune, on parle d'un Pakistanais qui a déjà 35 enfants, il a 46 ans, et il en veut plein des enfants. Il est à la recherche de nouvelles épouses. Il a passé une petite annonce. Combien il veut d'enfants? C'est la question qu'on vous a posée, et la réponse, elle arrive avec, oh, c'est joli, Anne Fleur, en direct avec nous, en Bretagne. C'est une fleur de Bretagne qu'on va retrouver. Anne Fleur, 26 ans, et en direct ce matin. Bonjour, Anne Fleur. Bonjour. Salut. Salut Anne Fleur. Bon réveil. Salut. Anne Fleur, bienvenue sur Skyrock. Et merci. Et ma bonne réponse alors? 100 enfants. Il en veut 100 enfants. Ah bah c'est bien. Oui. Un chiffre tout rond. Oui, un chiffre tout rond. Il en veut 100. Eh ben écoutez, il y a bon courage. Du boulot quand même, hein. Bon courage à toutes ces femmes parce que bon, il a plein de femmes. C'est mieux d'en avoir plein pour faire les enfants, sinon elle va morfler celle qui va faire. Ah, ouais. Bonne réponse Anne Fleur. Tu as 300 euros qu'on crédite sur ton compte. Il faut les garder maintenant. C'est l'heure du chronotune. Le chronotune. Sois plus rapide que le chrono et on pose la thune. Attention, attention, après un week-end, le lundi matin, pas facile, il va falloir être rapide, Anne Fleur. Et petite précision, Anne Fleur, chaque seconde qui s'écoule, c'est 10 euros qui s'en vont. Oh, comme ça, ils s'envolent. Oui. Alors, Anne Fleur, je vais te demander, bon, il a 100 enfants, 100, on commence par un C, on va l'aider à trouver des prénoms. 5 prénoms qui commencent par un C comme Cédric. Hein. Donc Cédric, tu peux pas le proposer. Non, j'ai dit si tu peux parce que j'ai dit Cédric. Peux. Ah, donc tu peux. Ouais. Allez, c'est parti Anne Fleur, top chrono. 3 2 1 top. Caroline, Corentin, Camille, Capucine, Céline, Cécile. C'est bon. Il y a même du rab. Oh, il y en a même du rab ce matin. C'était gentil Anne Fleur, tu nous as donné du rab, tiens. Tu as gagné Anne Fleur, mais combien tu as gagné? Combien il restait de secondes au chronomètre? Eh ben il reste 22 secondes, ça fait donc 220 euros. Bien. Eh bien joué Anne Fleur, 220 euros pour toi et plein d'idées de prénoms pour le papa pakistanais. Et c'est son gosse. Combien tu veux d'enfants toi Anne Fleur? Je sais pas, on verra. Ouais, t'as le temps, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, tranquille. C'est ça. Oui, c'est ça, t'es un peu comme carrière. C'est la toi. Priorité. J'ai pigé. Bon, bah, en tout cas, les 220 euros, c'était ta priorité du matin. Tu as gagné 220 euros sur Skyrock. Bien joué, Anne-Fleur. Enfin, gros bisous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bisous, ma chérie. Gros bisous. Au ciao. Ah, tiens, ciao. Quel temps, ciao. Rennes, ce matin? Il fait quel temps? Ouais, on va dire qu'il fait beau, on est en Bretagne, on va dire qu'il fait beau. D'accord, ça veut dire qu'il y a des nuages, mais il pleut pas. Voilà, c'est ça. C'est noté. On t'embrasse, Anne Fleur. Ciao, Anne Fleur. Ciao. C'est le morning de Difool. Come on, show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Ouais, avec notre météo, nos infos dans un instant. On fait le point avec Rémi, mais tout de suite, Designer. Avec deux i et encore une découverte Skyrock, le son US de Designer. Ça s'appelle Panda, c'est la chanson du Panda sur Sky. I got broads in the London, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet, you band it. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Way see, family. Package full, Danny. Selling ball, candy. Man had the macho like Randy. The chopper go out to for granted. The nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting no licks in the band. Legacies. Family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies. Family. Way and see. Panda. Package full. Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. The nigga pull up your band. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Way see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they could pull up your band. Hope you killers understand me. Panda sur Skyrock, c'était le son de Designer. Rap US sur Sky à 6h31, pratiquement 6h32. On est lundi aujourd'hui et c'est parti pour une nouvelle journée Panda. C'était la chanson du Panda et la radio de l'Euro. C'est Skyrock, on vous file vos places pour l'Euro 2016. C'est à gagner avec le Crédit Agricole et sera à gagner avant 9h du matin. Allez les bleus! Préparez-vous, on a tous les matchs à vous filer. On a même les finales, les demi-finales, les quarts de finale, tous les matchs de l'équipe de France. Eh ouais, tous. Eh ouais, à choper. Et tous les matchs partout en France à gagner. C'est sur Skyrock que ça se chope. On en reparle dans la matinée puisqu'on fait tourner avant 9h. Ça peut se passer à n'importe quel moment du morning. Tout à l'heure, vos écrans à gagner. On vous offre votre télé Samsung, la toute nouvelle télé Samsung à gagner à 6h, à 7h20 aujourd'hui. Eh ouais, là, une Smart TV. Waouh, parce que. Une TV connectée 4K, c'est la folie. Nous, elle est smart. Elle est intelligente. Bon, allez, on se prépare dans un instant sur Skyrock. Bon, habillez-vous bien. On va parler justement de fringues là ce matin. On se prépare pour les fringues. On écoute Rémi qui est venu habiller, heureusement pour nous d'ailleurs. Oh, mais je peux me mettre à poil. Non, non, mais ça va aller. Non. Ça ira. Écoute la météo, faut pas se mettre à poil. Pas encore aujourd'hui en tout cas. Même si les températures montent, la météo, oui. C'est un peu mieux, vous allez voir. Bon, on a encore 14 départements en vigilance orange pour crue ce matin, mais c'est vrai que ça se calme. Hein. L'heure est à la décrue. Le centre et l'Île-de-France sont concernés, la Haute-Normandie également. Alors l'eau se retire petit à petit. Hein. Les inondations ont été limitées, heureusement, dans l'Eure et en Seine-Maritime. Côté ciel, c'est nuageux ce matin et même brumeux. Hein. Des côtes normandes au Pays de la Loire, également aussi en Île-de-France. Retour d'averses localisées et d'orages cet après-midi de la Normandie à l'Alsace en passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Partout ailleurs, eh bien, le soleil fera aujourd'hui de belles apparitions. Donc, retour du soleil, ça fait plaisir. Les températures ce matin, comprises dans le nord entre 12 et 16 degrés, 13 à Lille et 16 à Paris, de 10 à 17 dans le sud, 13 à Lyon et 16 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 21 à Caen, 22 à Biarritz, 23 à Alençon, 24 à Marseille et à Lille, 25 à Nancy, 26 à Lyon et à Paris, 27 à Valence et 29 à Toulouse. La pollution pas terrible en ce début de semaine. Les indices compris entre 3 et 5. 5 à Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Nice. Et le point sur l'actu tout de suite sur Skyrock, l'actu et le sport. Dernière journée de négociation sur le temps de travail des cheminots. La CGT et Sudrail maintiennent la pression. 6e jour de grève consécutif. Moins de galères sur les quais tout de même, mais avec 6 TGV et TER sur 10, 1 intercité sur 3 et 1 transilien sur 2. Une semaine difficile sur le plan des contestations alors que l'euro, vous le savez, débute vendredi dans 4 jours. Dans le secteur de l'énergie, une mobilisation est prévue jeudi. Plusieurs raffineries restent au ralenti ce matin. La grève touche désormais les éboueurs et les égouttiers. Le plus gros centre de traitement des déchets d'Île-de-France est bloqué depuis une semaine et ça commence à déborder dans certaines communes. Enfin, ça ne sent pas bon du côté d'Air France. Les syndicats de pilotes appellent à cesser le travail du 11 au 14 juin, notamment pour défendre l'emploi. Du 11 au 14 juin, donc ça tombe en plein milieu, enfin pendant le week-end, le premier week-end de la compétition. 4 morts et 24 blessés, c'est le bilan des inondations qui ont frappé principalement le centre et l'Île-de-France. Manuel Valls réunit plusieurs ministres ce matin et des assureurs avant de se rendre à Montargis dans le Loiret. L'heure est au bilan. Les représentants des assurances évoquent une facture qui pourrait dépasser le milliard d'euros. 7800 foyers sont toujours privés de courant ce matin. Le RER C reste fermé dans Paris intramuros, tout comme l'A10 au nord d'Orléans. La suite des primaires démocrates aux États-Unis. Hillary Clinton s'offre l'île de Porto Rico. L'investiture se rapproche pour l'ex-secrétaire d'État. 6 États votent demain et la candidate devrait obtenir le nombre de délégués nécessaire. Bon, François Hollande est allé voir les Bleus et on parle également de tennis. C'est fini Roland-Garros, on arrive au bout. La petite visite aux Bleus de François Hollande hier soir. Le président s'est rendu au château à Clairefontaine où il a dîné avec les joueurs et le coach Didier Deschamps. Il avait Dédèche à sa droite et Loris à sa gauche. Il a reçu un maillot avec le numéro 24 floqué de son nom, genre le 24e homme de la liste. Wow. Le message a été clair, la France compte sur vous. Peu de temps avant, en conférence de presse, le président a rappelé que la menace terroriste existe pendant l'Euro. Quoi qu'il en soit, place à la fête. Les équipes commencent à arriver en France. Les Anglais ont débarqué hier, alors que nos premiers adversaires, les Roumains, sont déjà sur la région parisienne et se sont même déjà entraînés. Et puis l'Euro arrive, mais c'est aussi le Mercato qui arrive. Le marché des transferts sera officiellement ouvert dans 3 jours, le 9 juin. Tous les regards sont tournés en France, vers le PSG et Laurent Blanc, qui n'est vraiment pas assuré d'être l'entraîneur à la rentrée. On en parle à 7h. Vous allez voir, il y a des contacts là qui ont été établis, des contacts assez sérieux. Du tennis avec la fin de Roland-Garros, le Serbe Djokovic remporte pour la première fois le tournoi parisien. Il a dominé Andy Murray en 4-7, 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Un titre tricolore tout de même à signaler. Garcia et Mladenovic ont remporté le double chez les dames. Merci Rémi pour les infos. On t'entend dans une demi-heure pour la suite. Il est 6h36. Rémi à fond sur l'euro. Vous avez vu ça un peu? Ah, mais ouais, au taquet. François Hollande, numéro 24. Enfin, c'est la folie. Allez l'euro. Et les places à gagner avant 9h du matin sur Skyrock. Place Crédit Agricole. Et là, 6h36, une belle journée avec Sky. C'est parti. 6h-9h, c'est parti pour le morning de Difool. Difool, the morning show. Le morning de Difool, c'est tout de suite sur Skyrock. Attention, attention, le morning avec une petite question que je vais vous poser. Tiens, allez, jeu spécial avant de jouer pour l'euro, avant de jouer pour vos écrans. L'écran Samsung a gagné tout à l'heure. Il y a quoi à gagner là? Ben, les 1500 euros, si dans une demi-heure. Ouais, mais là, tu fais un jeu. Ah, Robin, il veut jouer, écoutez-le. Tu veux gagner Disneyland Paris? Ouais, vas-y. Parce qu'on a Disney à vous filer encore cette semaine. Disneyland Paris a gagné. Je vais vous poser une petite question. On va parler fringues ce matin. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. On va parler même de deux collégiennes dans le 33. Vous êtes peut-être au courant si vous êtes du côté de la Gironde ou du côté du sud-ouest de la France. Deux collégiennes qui ont refusé de cours vendredi. À cause de quoi? Et on parle fringues. Si vous avez la bonne réponse, vous nous la laissez sur le 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Mettez en marche votre cerveau ce matin. J'y arrive pas. Je sais, Cédric, mais il faut faire un petit effort, c'est lundi, tout ça. Donc, vous mettez en marche le cerveau, vous réfléchissez à pourquoi elles auraient pu être refusées de cours. Et attention, ça s'est bien passé en 2016, ça s'est bien passé vendredi dernier et ça s'est bien passé en France. Pourquoi deux collégiennes ont été refusées de cours vendredi à cause de leur fringue? Je sais pas, elles avaient le string qui dépassait, tu sais, du pantalon. Super carriole, fais dépasser le string. Le nombril à l'air, je note. Je dis pas si c'est la bonne réponse. Donc le string qui dépasse, le nombril à l'air. Cédric, tu as mis le cerveau en route? Ouais, elles avaient des jupettes. Elles avaient des jupettes. Des jupettes trop courtes. Ouais. Des jupettes pour Cédric. Des jupettes trop courtes. Des jupettes du côté de Bordeaux, Alain Juppé étant le. Ça passe. Humour, Cédric. On n'avait pas compris que tu essayais de nous faire rire ce matin, mais il a mangé un clown. T'as vu un peu? Non, je ne l'ai pas mangé, j'ai fait autre chose, mais je ne voudrais pas quoi. D'accord. Très bien. Allez, vos réponses très vite au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous nous dites, elles sont venues à poil? Non, elles ne sont pas venues à poil. Non plus une jupe trop longue parce que les profs voulaient voir leur chat. Non, mais dis donc. Oh, je vois, c'est bien, vous avez mis le cerveau en marche ce matin. Il y a Kevin 47 qui dit tu sais, des jeans trop troués. Eh bien, on verra ça dans un instant. Mais je vous dis tout, puis je vais vous parler de la journée de la jupe, c'est aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, journée de la mini jupe, les filles. Tout le monde en mini jupe? Pas toi, Cédric, hein? Non. Non, surtout pas. Non, merci, allez, ça va aller. Ouais. Merci, c'est gentil. Allez, Mike Posner est dans un instant la réponse à ma question et on parle fringues. Dites-nous aussi d'ailleurs si vous avez déjà eu des problèmes à cause des fringues que vous avez portées au boulot ou au bahut. On en reparle après. Mike Posner, lui, il a pris une pilule, donc faites pas attention à la manière dont il est vêtu ce matin. De toute façon, la radio, ça ne se voit pas. Non. Ce qui est quand même bien pratique. C'est vrai. Ah, il vaut mieux, Posner. Ouais. Allez, direction Ibiza sur Sky. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know chanson. I took a pill in Ibiza sur Skyrock. On écoutait le son de Mike Posner à 6h42. Allez, je vous annonce une petite nouvelle. Vous êtes levé tôt, vous avez le droit de savoir avant les autres. Sur Skyrock, ce matin, avant 9h, à n'importe quel moment du morning, vous gagnez un match de l'équipe de France. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est un match des Bleus que vous allez gagner ce matin. On va bien bien démarrer la semaine. Vous voulez aller voir les Bleus à l'Euro, mais on a les places à vous offrir tout à l'heure avec le Crédit Agricole. Ne manquez pas le rendez-vous. C'est sur Skyrock que ça se passe. Ça va tourner dans la roulette. Moi, ça m'excite l'Euro, ça me met dans un état pas possible. Ah bah tiens, au moins pendant ce temps tu nous fais plus chier que ton bras. C'est vrai. Oui, j'ai toujours ma tendinite, hein. Si vous venez de vous réveiller, vous êtes des milliards et des milliards à nous laisser des messages. C'est la régie finale de Skyrock qui m'a informé. Vous savez que depuis 6h on n'en peut plus. Quoi? Non mais t'arrêtes pas de... Mais j'ai mal. Bah oui, la mal, le pauvre. Soigné. Ah bah ouais, je peux même pas dormir avec une tendinite à l'épaule. C'est ça les vrais sportifs. Ah bah ouais, la gueule du sportif. Heureusement que je suis pas goal de l'équipe de France à la place de Lloris, j'aurais été obligé d'être goal. Ah bah sinon t'aurais été une vraie passoire, oui. Ah bah oui. Ah ouais. Alors, on parle ce matin fringues. Vous êtes peut-être en train de vous habiller ce matin. Comment vous êtes habillé, Cédric? Tranquille, détendu, jean basket avec un petit jean basket. Bon, Karim, bon. Un t-shirt moche pour changer. Non, mais arrête. Karim, il trouve qu'il n'y a pas eu assez de pluie ces derniers temps. Il a mis un t-shirt avec des nuages dessus. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu vas me dire, c'est le moins moche de ta collection. Ça va. Ah, tu trouves? Ah, bah attends, hello, t'es avec l'ananas. Ouais, c'est vrai, tu t'y habitues, c'est pour ça. Ah ouais. C'est vrai, Karim a toujours des t-shirts un petit peu spéciaux. Voyez, c'est un peu la mode les bronzés, mais milieu des années 90. Voyez, ouais, c'est bien, ouais. Bon, alors, on vous a posé une question ce matin. On a Cindy au téléphone avec nous en direct. Oh là là, de Corse. À Ajaccio. Salut Cindy. Salut l'équipe. Salut Nicole. Salut la Corse. Salut. Est-ce que tu vois déjà le soleil, toi, en Corse? Ah oui, il y a le soleil, parfait. Voilà, pour changer, hein. Bah, profitez bien. J'ai eu plein de messages aussi, des photos que vous nous avez envoyées, des photos du sud de la France où il fait beau ce matin. Du côté de Gap, il y a du soleil. Grand soleil à Marseille, nous dit Rémi du 13. Il fait beau à Gap, tiens, je vous dis, il y a une nouvelle autrice de Gap qui vient d'arriver. Du côté de Perpignan, ça va, merci à toi, ami de Perpignan. Je vous prête le soleil pour Chrissou. Salut Chrissou. Bon, attention Cindy, on n'est pas là pour le soleil, on est là pour parler des deux collégiennes dont je vous parlais il y a un instant. Oui. Dans le 33 en Gironde, elles ont été refusées vendredi de cours. Pourquoi? Alors, elles ont été refusées de cours parce qu'elles portaient des jeans troués. Mais on est en 1980 chez nos amis de Bazas du côté du 33 là. Oui, c'est dans un collège. Un jean troué. Il y a beaucoup de jeans qui sont troués maintenant, faut expliquer. Il y en a même qui se vendent comme ça, ouais. Oui, à la CPE. Ça dépend où est le trou aussi, hein. Ah, bonne question, Karios. Ah, si le trou est par exemple où? Vers les fesses. Ça peut poser un problème. Je pense, oui. Voilà. Non, mais même si c'est devant, quoi. Ouais, la mère a dit, je suis tombée de ma chaise, on m'a parlé de tenue inadaptée, m'intimant l'ordre de ramener un pantalon à ma fille. C'est-à-dire que la mère était obligée d'aller au bahut pour ramener un pantalon à sa fille, sinon elle sortait pas du bahut, la fille. Oui, mais il faut ramener un pantalon à votre fille, elle est toute trouée, là. Voilà. Je voulais qu'elle puisse regagner sa classe, donc elle l'a fait, et elle a ramené deux pantalons également pour la copine de la. C'est de gentil. C'est sympa, ouais. Gentil, la maman, là. Donc, il jean troué du côté de base. T'as déjà eu des problèmes, toi, en Gironde, Cindy, à cause de fringues entre guillemets non appropriées? Non, ça m'est jamais arrivé. Et ben aujourd'hui, il faut mettre une mini jupe. Voilà. Parce que c'est la journée de la mini. C'est vrai, hein, c'est la journée mondiale de la mini jupe aujourd'hui. Eh ben, bonne journée mondiale. Eh ben, vous connaissez une mini jupe, vous lui faites un petit coucou. Hein, ah oui. Souhaitez-lui sa fête. Exactement. C'est la fête des mini jupes aujourd'hui. Bravo Cindy, c'est ta fête, bah, à toi ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait super plaisir de vous avoir. Eh ben, ça fait plaisir d'avoir deux passes pour Disney à gagner ce matin. Bravo, bravo. Ouais. Disneyland Paris pour toi. Tu vas y aller avec qui tu veux pendant tout un week-end. Tu as les deux parcs, tu as l'hôtel, tous les repas aussi qui la sont compris. La portion complète. Tu vas t'éclater, wow, comme une génial, petite all inclusive. All inclusive, exactement. Yes. C'est super, merci beaucoup. En tout cas, vous déchirez. Bravo Cindy, on te fait un gros bisou et puis on te souhaite une bonne journée en Corse. Aussi. Skyrock, première radio musicale d'Ajaccio. Merci les Corses qui nous écoutent à Ajaccio. Ouais, ouais. Viva Corsica. Viva Corsica. Salut Viva à toi. Viva Corsica. Salut Cindy. Ciao. Et voilà, deux passes pour Disney qui sont tombés ce matin. On a plein de cadeaux pour vous. Hein. Disney, les télé Samsung, les dernières dans une demi-heure. Même pas, tu as un petit peu plus même. Et puis le foot a gagné. On fait une petite promo de la mini-jupe là. Allez, c'est parti, direction les familles. On va voir comment c'est pris cette journée de la mini-jupe. Direction les familles et le French Test sur Skyrock. Le French Test sur Skyrock. Allez, c'est parti. Allez Cédric. Allez, on va chez Alain. Ah, chez Alain. Tu veux le mettre en mini-jupe Alain? Bah ouais. Ah bah ouais, magnifique. Sexy Alain. Sexy baby. Journée de la mini-jupe. C'est mignon ça. C'est né en Tunisie la journée de la mini-jupe. Ah ouais. Ah ouais. Surprenant. Oui. Oh oui, allô. Oui, bonjour, c'est la femme à Alain. Oui. Salut beauté. Comment tu vas? Ça va. Ça va, tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée de la mini-jupe. Ah bon? Eh oui. Faudrait te mettre une petite mini-jupe ce matin là, qu'on voit tes petites gambettes. Tu sais que ça ferait plaisir à Alain. Il nous a dit ce week-end, j'aimerais bien que ma femme se mette en mini-jupe pour qu'on voit ses petites gambettes. C'est ça qu'on dit? Ah ouais, c'est ça, ouais. Une petite gambette. Une petite jupe à la touffe. Oh. Pourquoi à la touffe? Bah, mini-jupe, c'est bah, à la touffe. En général, ouais. Oui, enfin... Bah si, ça dépend de la taille de la touffe. Ah, oh, voilà. Effectivement, si elle a une longue touffe, même une jupe longue, ça peut dépasser. Ça c'est passe. Vrai. Il bon. Est dans le coin, là, ou pas? Allô? Il est là, là. Elle est surprise. Hein. Ah non, elle est allée chercher sa Elle est en train de la mettre là. Je crois, ouais. Vous avez vu? Ah, en tout cas, c'est bien pris par les Français. The. Allô? Chérie? Non, mais laisse-la, elle est la mini-jupe, Romano. Petite jupe à la moule. Exactement. Ah, donc, voilà. Ah, bah, la ras la moule, ça l'a tué. Je crois que c'est ça. Bon, ça voilà. Achevé, là. Et vrai, c'est la journée de mini-jupe aujourd'hui. Dans un instant, la compile du jour. La compile du jour, on va parler largage. Les raisons de largage les plus. Plus courante, on va les découvrir sur Skyrock ce matin. Il a mal au bras. Et vous nous dites, alors, garçons et filles, parce qu'on a deux classements, le top 5 des raisons de larguer une femme, le top 5 des raisons de larguer un homme. Mm-hmm. La dernière fois que vous avez largué, ou la dernière fois que vous vous êtes fait larguer, c'était à cause de quoi? C'est la question qu'on vous pose, et puis notre compile du jour, vous saurez tout dans un instant. Hein. Les raisons de largage, on s'en occupe, et l'horoscope de l'amour, il arrive dans une minute. Il est 6h48 sur Skyrock. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Bah, tu lui racontes quoi, là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Dunlop 16 pouces à 71€ seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot de l'équipe de France de football pour 1€ de plus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument. Jusqu'au 18 juillet, pour 30€ d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1€. Et demain, c'est Lisbonne et Londres. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verdures Alex 100% made in France. Le verre est à seulement 1€ par tranche de 30€ d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Allez, un horoscope, l'horoscope de ce lundi, c'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on commence par les scorpions, les sagittaires, puissance amoureuse à 0 sur 5. Pourquoi? Ah oui, vous serez dans un jour 100 en amour. C'est dingue parce que tout le reste va bien se passer, il n'y a que l'amour qui cloche aujourd'hui. Aïe. La séduction ne sera pas votre spécialité aujourd'hui, c'est que passager, c'est pour aujourd'hui lundi. Les scorpions, les sagittaires. 1 sur 5, les verseaux et les gémeaux. C'est votre jalousie qui sera encore plus présente que d'habitude. Bon courage, Cariole. Merci. Ayez plus confiance en vous, Romano. C'est pour les verseaux et les gémeaux, c'est 1 sur 5. Oui. 2 sur 5, les magnifiques capricornes et les cancers. On est un peu stressé aujourd'hui, c'est pas vraiment le bon jour pour prendre des décisions super importantes en amour. Et vous avez mal au bras, non? Et on a mal au bras, ouais. 3 sur 5, les taureaux, les lions, c'est le premier jour de la semaine, un début de semaine qui se débrouille, dans lequel vous débrouillerez pas trop mal. Ouh là là là. Pas de surprise, pas de galère. Et, et un beau lundi à vous. Voilà. 4 sur 5, les poissons et les balances, tout le monde vous apprécie aujourd'hui, ça m'étonnerait parce que jamais personne, tout le monde peut apprécier. Cédric. Ouais, tout le monde me kiffe. Ouais, vous serez très sollicité Cédric aujourd'hui, vous n'allez pas voir la journée passée. Poisson balance, c'est bien, 4 sur 5. Et 5 sur 5, les béliers, les vierges. Vous vous sentirez tellement bien ce lundi que vous transmettrez votre bien-être à tout le monde. Mais c'est magnifique, c'est béliers, c'est vierges, c'est 5 sur 5. La meilleure note du jour. Et dans un instant, la compile de ce lundi matin. On va parler des raisons de largage les plus courantes. On en reparle tout de suite après. Le son des Fifth Harmony sur Sky, c'est Walk From Home. The Morning Show. It's Fifth Harmony. Fifth Harmony.

Le morning de Diffoul. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et le lundi, on démarre ensemble sur Skyrock tous les matins. On est là entre 6h et 9h. Et Skyrock, c'est la radio de l'Euro 2016. Skyrock, la radio des 1500 euros aussi. Ouais. Vos places à gagner pour l'Euro avec le Crédit Agricole. Crédit Agricole, oui. Les meilleures places du monde dans le morning. Bah, ce matin, on vous offre un match de l'équipe de France. Restez bien dans le coin. L'équipe de France a gagné. C'est sur Skyrock. Ça peut se passer à n'importe quel moment du morning. Dès qu'on a deux minutes, on fait tourner la roulette et vous gagnez vos places pour aller voir un des matchs des Bleus. Je vous dirai lequel tout à l'heure. On maintient un peu de suspense quand même. Hein. Du suspense aussi. On va peut-être aller chez vous dans un instant pour vos 1500 euros. On en parlait. Et puis, vous le savez, on vous l'a annoncé tout au long du week-end et depuis vendredi. On vous offre vos télés, les nouvelles télés Samsung. La toute dernière télé Samsung, elle est à gagner sur Skyrock. Oui, 4K. L'écran 4K. Ouais. Elle fait combien de mètres? 102 centimètres. 102 mètres. 102 non. mètres. Faut avoir une grande chambre, un gros de la part. Ouais, ouais, mais c'est une belle télé qu'on vous file. Ce sera à 7h20 tout à l'heure, on jouera à Info ou Mytho et vous gagnez votre télé Samsung pour regarder tous les matchs de l'Euro. Oui, alors et le reste aussi. Hein. Et pour regarder ce que vous voulez, pour jouer à la console, vous éclater, super écran à choper sur Skyrock. Ne loupez pas le rendez-vous à 7h20, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. Et tes conseils pas chers, Romano, mais on en reparle dans un instant. Ah bah ils arrivent aussi, oui. Ils arrivent, mais d'abord, les infos avec Rémi. Ouais. C'est parti, Rémi. Il est 7h02 pile. On fait le point sur l'actu. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Et ben ça s'améliore. Ah oui, ça s'améliore. C'est vrai. Hein. Bon, on a encore 14 départements en vigilance orange pour les crues quand même. Dans le centre, en Île-de-France et en Haute-Normandie, l'eau se retire petit à petit. Les inondations ont été limitées dans l'heure. Et en Seine-Maritime, côté ciel, eh bien c'est nuageux. Ce matin, des côtes normandes au Pays de la Loire, il y a du brouillard aussi par endroits. Soyez prudents en voiture. Retour d'averses localisées et d'orages cet après-midi de la Normandie à l'Alsace, en passant par l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais, mais partout ailleurs. Le retour du soleil. Les températures ce matin, 10 degrés à Cherbourg, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Poitiers, 13 à Nantes, 13 à Lille également et à Lyon, 14 à Toulouse, 15 à Nîmes et 16 à Marseille et à Paris. Dans l'après-midi, il fera 18 à Dunkerque, 21 à Brest, 23 à Rouen, 24 à Marseille, Saint-Étienne et Lille, 25 à Bordeaux, 26 à Lyon et à Paris, 27 à Grenoble, 28 à Nîmes et 29 à Montauban. Et puis la pollution, c'est pas terrible. En ce début de semaine, les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Nice. Et voilà, toute l'actu, tout de suite, tout le foot. Et bah, tout de suite avec Rémi, c'est parti. On va commencer par quoi? Eh ben, par la décrue, quelle honte, mais elle est en cours. Des centaines de sinistrés. Eh oui, des centaines de sinistrés sont rentrés chez eux, mais découvrent quand même les dégâts. Hein. L'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi en Conseil des ministres. D'ici là, Manuel Valls se rencontre ce matin les représentants des assurances qui parlent d'une facture qui pourrait dépasser le milliard d'euros. 7800 foyers sont toujours privés de courant ce matin. Le RERC reste fermé dans Paris Intramuros, tout comme l'A10 au nord d'Orléans, où les dernières voitures sinistrées seront évacuées aujourd'hui. Le bilan quasi définitif de ces intempéries fait état de 4 morts et 24 blessés. Dernière journée de négociation sur le temps de travail des cheminots. La CGT Sudrail ne lâche rien. Jour de grève, acte 6, 6e jour consécutif. Moins de galères sur les quais. Avec 6 TGV et TER sur 10, un intercité sur 3 et un transilien sur 2. Le début aujourd'hui du Ramadan, annonce faite hier par le Conseil français du culte musulman. L'Aïd, qui marque la fin du mois sacré, aura lieu autour du 5 juillet. Entre 70 et 80% des musulmans français pratiquent le jeûne. Bon Ramadan en tout cas à tous les concernés. Mabrouk Aïd. Eh oui, merci à tous et bon Ramadan à tous les musulmans. Et bon courage à vous. Ouais. Premier tour des élections municipales en Italie. Hier, le coup de tonnerre pourrait avoir lieu à Rome. Virginia Raggi serait en tête au premier tour devant le candidat du Parti démocrate du Premier ministre Matteo Renzi. La candidate du mouvement 5 étoiles qui se dit anti-système compterait une dizaine de points d'avance. La gauche est en tête à Milan alors que le maire sortant de Naples, très critique envers le gouvernement, pourrait être réélu dès le premier tour. On fait le point sur le sport. Hollande qui a mangé. Ouais. Bon, avec les Bleus, hein. C'est pour ça qu'on en parle, parce que bon, ils mangent trois fois par jour, bah, a priori. Oui. Et Laurent Blanc a vraiment menacé au PSG. Un petit buffet diététique pour garder la ligne. Non, personne n'insinue que François Hollande est bien portant. Il s'agit plutôt de manger léger. Pour les Bleus, avant le début de l'Euro, le président a dîné avec les hommes de Deschamps hier soir à Clairefontaine. C'est la dernière ligne droite et le chef de l'État tenait à les encourager en leur disant que la France compte sur eux. On verra ce que ça donne dès vendredi contre la Roumanie. Les Roumains, elles sont chaud bouillants et pensent même qu'ils peuvent concéder le nul. Ils sont arrivés en région parisienne et ont d'ores et déjà commencé l'entraînement. Dernier match de préparation pour la Belgique hier soir. Les Diables Rouges ont été peu convaincants, mais se sont rassurés contre la Norvège. Victoire 3-2. Et puis on n'entend plus parler de lui depuis les déclarations fracassantes de son boss. Laurent Blanc attend tranquillement de savoir à quelle sauce il va être mangé. Le coach du PSG, qui est en contrat jusqu'en 2018, n'est vraiment pas certain de retrouver le banc à la rentrée. Ça va dépendre en vérité des recherches du club pour trouver un éventuel remplaçant. Paris cherche un entraîneur et ne s'en cache plus. Des contacts ont été établis avec Diego Simeone, qui a dit vouloir réfléchir à son futur après la défaite de l'Atlético Madrid en finale de la Ligue des Champions. Il est désormais la cible prioritaire du PSG selon l'équipe qui aurait contacté sa sœur qui gère sa carrière. Info contradictoire du côté du Parisien qui annonce que l'Argentin compte rester avec les Madrilènes et qu'il prépare son mercato. Une agitation qui pourrait profiter au final à Laurent Blanc si aucun coach ne se montre disponible. Bon, à suivre. Et ouais. En tout cas, il va bien le vivre. C'est sympa, ouais. Ah bah là, ouais, il passe des bonnes vacances là. Ah ouais, c'est clair. Il, bon, a, alors, il a gagné 4 trophées, ça suffit pas. Ah ouais. Non, c'est pas sûr que tu reviennes. Là, profite de tes vacances, mais on cherche quelqu'un au cas où. Oui. Merci Rémi. La suite des infos tout à l'heure, 7h30. À tout à l'heure. Il est 7h06 sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le morning de Default. The morning show. En direct sur Skyrock. C'est bien parce que j'aime bien pour les jeux. Tout le monde veut jouer là pour les places de l'euro. On a Nando qui nous envoie un message. S'il te plaît, Default, ma fille rêve de voir un match des Bleus. Hashtag gagne tes places pour l'euro sur Skyrock. C'est ça. C'est un très bel hashtag. Un peu long, mais il est joli ton hashtag. J'ai bien noté ton message et puis on jouera tout à l'heure. Tout à l'heure pour un match de l'équipe de France. Vous voulez aller voir les Bleus? Eh bien, on en a des places des Bleus ce matin à gagner sur Skyrock. Les places Crédit Agricole à gagner tout à l'heure. Tiens, une nouvelle qu'on voulait vous annoncer. Il y a Soprano qui passe ce soir dans la radio libre entre 21h et minuit. Ouais. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu dans les médias en général et un petit moment qu'il n'était pas venu dans notre studio. Ça doit faire 2-3 mois. Il est de retour ce soir. Soprano avec une surprise et il nous réserve une surprise, donc soyez là à 21h. S'il sera là à 21h juste avant de casser le ramadan, ouais. Sopra débarque dans la radio libre 21h tout à l'heure avec nous pour une grosse surprise. Si vous aimez Sopra, vous tapez hashtag Sopra surprise, ouais, voilà. Et le hashtag morning de Default, si vous avez des trucs à nous dire, vous pouvez le faire aussi, hein. Profitez bien. Bon, j'ai une belle enveloppe avec 1500€ dedans. Ah, tu peux l'ouvrir ou tu veux que je m'en charge? Bah, tu vas l'ouvrir, Romano. Je vous rappelle que je travaille avec un bras parce, oui, que j'ai toujours une tendinite, voilà. Mais ça dure combien de temps? Je peux lancer un petit appel, Robert? Non, alors, Default. Sans vouloir embêter personne. Non, hein. Non, mais avant que tu nous fasses chier. Oui. Juste petite précision. C'est dingue. On n'a pas le droit d'être malade ici. C'est fou, ça. Non, mais ta tendinite, tu l'as eu quand vendredi? Non, jeudi après-midi. Jeudi soir. Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait dans la nuit de vendredi à samedi? Bah, j'ai arrêté mon traitement pour voir si j'étais plus fort que les médicaments. Résultat, tu n'es pas plus fort que les médicaments. Résultat, pas guéri. Je suis donc obligé de faire ouvrir l'enveloppe par Romano avec tous les risques que ça comporte, mais tout le monde surveille. Bien sûr. T'inquiète. Faut pas voler le chèque. Voilà, il se barre en courant, je fais un plaquage. Bien joué, Cédric. Ouais, ça c'est clair. Donc, on ouvre l'enveloppe avec votre chèque à l'intérieur, c'est pour ça que c'est risqué. Et puis votre numéro, peut-être, j'espère en tout cas. Et toi, tu te prépares pour les conseils pas chers. Ouais, conseils pas chers, on va parler des problèmes de bouffe. Par exemple, si vous vous souvenez des lasagnes au cheval. Oui, je me rappelle. Des lasagnes au cheval, c'était des lasagnes au bœuf au départ. Oui, c'est ça. Bah, par exemple, si vous avez déjà acheté un truc et découvert un truc chelou dedans, je sais pas, une bête, un morceau de doigt, un clou. Un morceau de doigt, c'est bien, ça fait de la viande en plus et gratuite. Ouais, ouais, bah, dites-nous et je vais faire un conseil pas cher rapport à ça parce qu'il y a une dame qui a découvert un truc spécial. C'est une Argentine. Oui. Et elle a découvert un truc, mais ignoble dans un truc qu'elle a acheté à bouffer. On découvre ce qu'elle a découvert d'ignoble. Et puis, vous pouvez nous laisser vos messages au 41-759. Et avec votre appli Skyrock, vous faites tout péter. Allez, sur Skyrock, 7h08, c'est l'heure de vous offrir 1500€. Le jeu des 1500€. 100€, c'est 1500€ cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et vous avez vu, il a zappé ma question. Je voulais demander combien de temps ça durait une tendinite. Ah bon, on a plus le temps, Default, là, parce qu'on doit passer aux 1500€. C'est dingue, on a même plus le droit de se plaindre. C'est vrai, ça, n'importe quoi. Alors que tu souffres le martyr. Je souffre le martyr. Alors, attention. Alors, je mate vos messages. Merci à vous, amis médecins ou amis tendiniteux. Et tendiniteuse. Voilà. On peut faire les 1500€ Oui, bah ouais, c'est quand même l'heure. Parce que moi, j'ai ouvert l'enveloppe. Oui. Et on va dans le 77 à Damary-les-Lys. Ah bah c'est bien, ils ont eu plein de pluie dans le 77, une pluie d'argent maintenant. Et chez Ludovic Vacheresse. Bonne chance à Ludovic Vacheresse. Je vais lui dire. Pourquoi tu ris? Bonjour, je m'appelle pour ça. Allô, Ludovic Vacheresse? Oui. Bonjour monsieur Vacheresse, comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va pas mal. C'est la radio, Ludovic, on est en direct ce matin. Ah d'accord, ok. C'est pour t'offrir 1500€, monsieur Vacheresse. Et ouais, Ludovic, on va te poser une question. Il faut nous dire que si t'as pas raccroché avec les bruits de vaches quand t'as mis là, c'est qu'a priori. Non, non, c'est bon, y'a pas de problème. T'as l'habitude en même temps. Oh, le beau. Quelle est ta radio préférée, Ludovic? C'est Skyrock. Eh oui. Champion mon frère Ludo. Tu viens de gagner 1500€ sur Skyrock ce matin. Bien joué Ludo. Vous déchirez l'équipe. Eh bah toi t'es pas mal non plus. Bravo Ludo, félicitations. un chèque de 1500 euros. Je récupère avant que Romano le vol. Hop là, il est pour toi. Ouais, ça y est, c'est bon. Ah ouais. Et ouais, surtout si Romano est dans le coin. C'est dangereux. Faut vite les récupérer. Je te le récupère vite, il est là, t'inquiète. Il est entre mes mains, enfin entre ma main, puisque j'en ai plus qu'une. Oui. Il est entre ma main et on va le signer, on va te l'envoyer à la maison. Tu vas le recevoir très très vite, le chèque. Tu vas faire quoi avec, Ludo? Je sais pas encore. Pour m'en payer mes vacances. Oui, c'est bien. Oh, il y a de quoi faire. C'est bien aussi. Tu pourras en profiter. Oui, oui, il y a de quoi faire. Tu pars en vacances avec les 1500 euros, tu nous envoies des petites photos. Hein. Ça marche, il n'y a pas de problème, l'équipe. On compte sur toi. Tu fais quoi dans la vie, Ludo? Je t'ai pas demandé. Je suis fonctionnaire. Très bien, fonctionnaire de police? Non, dans l'événementiel. Ah, d'accord, parce que quand on dit que fonctionnaire, c'est où on est fonctionnaire de police, où on travaille aux impôts. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, dans l'événementiel. Eh bien, l'événement ce matin, enfin, des premiers de la journée sur Skyrock, tu viens de gagner 1500 euros. Bravo, Ludo. Bravo, bravo. Un grand merci à toute l'équipe. T'as bien représenté Damary Lélis et on recommence dans moins d'une heure. C'est pour vous qui nous écoutez, vous réveillez avec Skyrock. Vous avez 1500 euros à gagner encore, juste après les infos de 8 heures. On te fait une bise, Ludo, tu raccroches pas. On vérifie tes coordonnées, on t'envoie ton chèque. Bise à toute l'équipe. Bise. Salut Ludo. Ciao. Salut. Bye. Le morning de Difool sur Skyrock. Come on, les shows, les shows, les shows. Premier sur le cash. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. et Calvin Harris, Rihanna bientôt en concert avec Skyrock. Et oui, ça approche, c'est le mois prochain. Elle sera en concert avec Sky à Nice, à Lyon, à Lille et à Paris. Bah, juste après l'Euro, dans les stades de l'Euro. Exactement, elle vient, la place sera toute chaude. Dans les stades de l'Euro avec Skyrock, on en reparlera très très vite parce qu'on aura bientôt des places à vous filer. Place pour l'Euro à gagner ce matin. Évidemment, c'est sur Skyrock, les places Crédit Agricole, on vous le filera tout à l'heure. Un match de l'équipe de France à gagner. Soprano à retrouver dans un instant pour se préparer au grand rendez-vous de ce soir. Tiens, on va écouter Cosmo, j'adore ce titre. Moi aussi. Cosmopolitanie, Soprano. Oui. Et ce soir, grosse surprise, si vous êtes des fans de Soprano, soyez là à 21h. C'est lui qui nous a promis une grosse surprise. On a essayé de le torturer, on a essayé de tout savoir, il nous a rien dit. Non. Donc la réponse ce soir, à 21h, Soprano est de retour. Bon, les 1500 euros étaient gagnés, on parle de gagner de l'argent. Bah Romano, c'est à toi maintenant, c'est l'heure de nos conseils pas chers. Ouais, conseils pas chers avec l'Argentine qui a trouvé un truc bizarre dans de la bouffe qu'elle a acheté. Alors c'est une dame argentine. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'elle a pu trouver de bizarre? Qu'est-ce qu'elle a pu acheter, Cédric? Je sais pas du tout, mais elle a trouvé. Bah, elle propose un truc. Elle a trouvé un animal mort dedans. Un animal mort dans quoi? Ah non, pas du tout, non. C'est dans quoi? C'est dans un chorizo. Dans un chorizo. Les saucissons piquants, là. Oui, et saucissons qui piquent. Quand tu les manges, ça pique. Quand tu les chies, ça pique aussi. Ah bah, t'as l'impression de chier des braises. Je dirais une pièce. Non, pas du tout. Comme une fève, quoi. Non, allez, Cédric, une dernière possibilité et après on passera aux autres. Si tu n'y arrives pas, tu es nul. Je suis pas un morceau de cheat. Un morceau de cheat. Non, non. On nous dit, elle a trouvé un tampon, une dent. Ah. Non. On aurait pu faire un jeu d'ailleurs, tiens. Ouais, c'est vrai, je voulais vous offrir un cadeau, mais je me suis dit, on va pas avoir le temps. Une souris, toi, ça t'arrange. C'est bizarre. Non. Mais malheureusement, c'était de bon cœur que je vous l'aurais offert. Mais de toute façon, pour le moment, j'ai pas vu la bonne réponse. Alors dis-nous, Romano. Bon, elle a trouvé une capote. Une capote bien pratique quand on a envie de tirer un petit coup. Mais une capote, a priori, avec un peu de liquide dedans. Ah, une capote usagée. Ah ouais, ça c'est horrible. Monde. Ah ouais. Ah non, mais même une capote vide. Je préfère limite un truc Findus au cheval. Moi ouais. aussi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été acheter son petit chorizo. Oui. Elle est arrivée chez elle, elle a commencé à couper des rondelles. Oui. Et là, elle s'est rendue compte, oula, tiens, il y a un truc bizarre à l'intérieur. Elle a continué de découper et en fait, elle s'est rendue compte que c'était un préservatif usagé. Mmh. Alors, ils ont quand même fait une enquête. Ah ouais, ça vient d'où ce préservatif usagé? Bah, a priori, c'est des employés qui ont dû baiser à côté de la chair à saucisse. Oh, sympa. L'enquête a révélé que ça avait fricoté. Bon, alors, elle a quand même eu de la chance dans tout son malheur, c'est que heureusement elle l'a vu avant d'en manger. Eh ben écoute, tant mieux c'est pour la bonne nouvelle. Bon, ce matin, je vais aller dans les magasins. Cédric, tu as les magasins? Ouais. Eh bien, je vais aller dans les magasins. J'ai acheté un chorizo ce week-end, je voulais faire un apéro. Mmh. Et j'ai découvert une capote dedans. Je vais demander un geste commercial. Difool, au cas où tu es mon avocat. Oui, je suis. On va te mettre une robe, comme ça on verra pas que t'es blessé. Très bien, on verra pas. Merci pour tous mes messages pour la tendinite. Ah non, ça y est. Ça y est, c'est reparti. Non, mais j'ai vu vos messages. Le lourdeau est en route. Je vais pas vous prendre la tête, mais non, ça peut durer 2 à 3 semaines. Non, mais je te le dis là, tu. Je peux vous prendre 3 semaines. Ouais, c'est écrit les messages. Oh non, putain, mais tout l'euro, en fait, tu vas nous faire chier. Oui. Ouais. Bon, là, tu nous fais les conseils pas chers. On te souhaite bonne chance, Romano, à 7h18. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, c'est parti, conseils pas chers. On va où? Allez, on va à Carrefour Market. Ah, Carrefour Market, c'est sympa. C'est bien, ils vendent du chorizo, ils en achètent des fois. Mais, je les ai vus, ils étaient autour du stade sur les pancartes, là, samedi soir. Ah bah moi je dormais pendant le match. Il y avait Carrefour Market, il y avait Crédit Agricole. Putain merde, j'ai tout raté les pancartes. Et t'as raté les pancartes. C'est fou. Il y en aura pendant l'Euro. J'espère. Et il y avait Volkswagen qui me tait des messages marrants parce qu'il me tait des messages pour les joueurs quand Paul Pogba loupait un coup franc. Ouais, t'es bidon. Non. C'était Carrefour Market, bonjour. Oui, bonjour Carrefour Market. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais, j'ai acheté un produit chez vous et a priori il était défectueux. Oui. Je vous explique à vous. Ouais, allez-y, oui. En fait, j'ai acheté un chorizo, je l'ai découpé, je faisais un petit apéro avec des amis. Ouais. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un préservatif. Oh. Ah bah oui. Ouais, ouais. Alors comment on peut faire? J'imaginais, il y avait les enfants et tout, on avait fallu leur expliquer que c'était un chewing-gum, enfin c'est terrible. Là, c'est de la haute volée. D'accord, il y avait quoi? Il n'y avait pas un rat aussi? Ah non, il y avait juste une capote. Ouais. Alors, est-ce que je peux... Mais pleine. Oui, pleine. Pleine, d'accord. Okay. C'est pas à vous. Non, je vous demande. Je peux vous le ramener et du coup vous me faites un geste commercial, genre un cadeau. Ah oui, bien sûr. Mais ramenez la capote avec. Ah ben, je vais me la mettre sur la tête. Ça marche, impeccable. Je viens et vous me faites un caddie gratuit. Oui, peut-être pas quand même. Chorizo volontiers. Chorizo gratuit, avec ou sans capote le prochain? Avec, bien sûr. Avec, j'espère. Bon, vous ouvrez à quelle heure? À 8h là? À 8h45, ouais. Ah bah, je serai là à 8h45. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Et vive Carrefour Kent. Et vive Carrefour Market. Voilà, c'est l'émotion. Il est tellement content. Tu vas la dire le nom, mais. Tellement content d'avoir réussi son concert. Ouais, mais non, mais n'empêche que c'est réussi. Hein. Et t'as vu ça, un coup de fil. Un coup de maître. J'aimerais que Cédric m'applaudisse. Bravo. Applaudis, Cédric. Merci, Cédric. Moi, pour applaudir avec un bras, je suis obligé de me foutre des baffes. Oh, merci. Ah, c'est pas mal aussi. Ou alors sur la tête, je peux aussi. Sur la tête de Romain. Ça marche bien, ça. Ouais, pas mal. Bon, bien joué, les conseils pas chers. C'est fait. Dans un instant, votre télé a gagné la nouvelle Samsung à choper. Samsung 4K. Ouais. Smart TV, connecté à Internet, c'est la folie. C'est pour vous, on va jouer à Info ou Mytho juste après Cosmopolitani Sopra. Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrières? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Ce soir avec nous dans la Radio Libre sur Skyrock à pas louper, 21h minuit, Radio Libre, il se passe plein de choses, on fait les cons ensemble et on va découvrir la surprise de Sopra. Ce soir, dès 21h, il sera là avec nous. Merci Soprano pour la il surprise. Il va peut-être me proposer un duo. Peut-être, ah, c'est peut-être ça. Ou un cadeau. Ouais, je un sais cadeau. Pas. On verra. Ce soir, 21h, on en saura plus. Et là, on va jouer à Info ou Mytho. On vous offre la nouvelle télé Samsung. Elle est à gagner sur Skyrock tous les matins. On jouera à Info ou Mytho tout au long de la semaine et on vous offre votre télé pour mater les matchs de l'Euro, pour mater ce que vous voulez, pour jouer à la console, pour vous éclater comme des ouf. Votre écran 4K de chez Samsung. Plus de 100 cm de bonheur. Wow. Oui. Avec les connectés à Internet, vous pouvez avoir les applications sur la télé, c'est la folie. Y a pas mieux. Ouais, c'est bien. C'est pour vous, vous voulez votre grande télé à la maison. Des images de toute beauté, c'est marqué. Il va falloir jouer avec nous au 41-759 pour nous envoyer vos messages et aussi sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez tout ça, on joue à Info ou Mytho. Voici la petite info que je vous donne. Il faut me dire si c'est vrai ou si c'est faux, c'est la question de sélection avant de jouer avec deux membres de l'équipe. Ouais. Qui seront Karim et Romano ce matin. Ouais. Yes. Voici mon info. On va parler d'un enfant. Ça va vous donner envie de faire des gosses, tiens, si vous en avez pas encore. À 5 ans, un enfant appelle la police pour dénoncer son père qui a brûlé un feu rouge. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un mytho? Si vous savez, bah vous nous dites. Je vous donne mon top officiel maintenant. Top! Message tout de suite au 41-759 et sur l'appli Info ou Mytho. Un enfant de 5 ans qui appelle la police parce qu'il a vu son papa brûler un feu rouge. Il doit être content, le papa. Saloperie. Ah ouais, mais... Ah, ça mérite de masse. Ah ouais, ça, c'est hein. Clair. Ouais. Vous nous dites tout de suite, on vous dit si c'est vrai, nous, dans un instant. Vous jouez avec nous et dans 3 minutes, vous avez la réponse. Bonne chance et vous aurez peut-être votre écran plat en plus. J'allais dire dans la poche, non, plutôt dans la maison. L'écran plat Samsung a chopé votre télé, il est 7h25. Fifth Harmony. Les 5 filles qui enflamment la pop.

Le morning de Difool en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, on est là et on est là avec nos télés cette semaine. Des télés à choper tout au long de la semaine sur Skyrock dans le morning. L'écran Samsung 4K, c'est la dernière Samsung. Smart TV connecté avec Wi-Fi compagnie. Ouais. Des images de toute beauté, c'est marqué sur le descriptif. Et on l'a testé pour vous, c'est vrai. Ouais, ouais, magnifique. Magnifique télé pour vous à choper tous les matins. On joue à Info ou Mytho. Et je vous parlais il y a un instant d'un petit de 5 ans qui avait appelé la police pour dénoncer son père. Vous imaginez, vous êtes dans votre voiture avec un petit à côté et le petit il appelle la police pour dire mon papa il a grillé le feu rouge. Et oui, c'est ce qu'il a fait le petit. Mon papa il a grillé le feu rouge. Ouais. Est-ce que c'est une info, est-ce que c'est un mytho? On a avec nous Simon de Perpignan. Salut Simon. Salut Simon. Salut. Alors Simon, info ou mytho? C'est une info. Et c'est une info, bien joué. Et ouais, le gosse l'a vraiment fait. Ah ouais, et le père, il a été arrêté du coup. Et le père s'est fait arrêter du coup. Ah, oh là là. Et oui, il avait brûlé un feu rouge. Le père s'est excusé, mais il n'y a pas eu de contravention. Ah, quand même. Ah, ça va. Ouais, mais voilà. Vous imaginez, vous avez un enfant et il vous dénonce à la police. Bah, moi, le trajet d'après, il le fait dans le coffre, comme ça, il ne verra pas les feux. Pas bête ça, Romano. Ah, voilà. Non, mais il faut trouver une solution. C'est vrai, bah, tu l'as trouvé, c'est bien. Simon, tu es qualifié pour jouer avec nous. Il y a deux infos qu'on va te donner maintenant. Une qui va être donnée par Romano, l'autre pour Karim. Attention, parmi les deux, il y a un mytho. Faut le découvrir, c'est info ou mytho. Info, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Et on commence par Romano. Alors, c'est une américaine, elle décide d'acheter un congélateur d'occasion. Oui. Elle le paye $30. Il se trouve que c'était le réfrigérateur de sa voisine. Mm-hmm. Bon, elle l'achète, elle l'installe chez elle. Bon, elle s'en occupe pas. Elle le laisse chez elle pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, elle se dit, je vais quand même l'ouvrir. Et là, elle découvre le cadavre de la mère de sa voisine. Oh non. Oh là là. Dans le congélo. Ouais, dans le congélo. Heureusement qu'elle n'a pas retrouvé le petit qui avait dénoncé son père. Ouais, c'est ça. Bon, il se trouve que maintenant la fille de sa voisine est recherchée parce qu'a priori il y a des gros soupçons sur le fait qu'elle ait tué sa mère. Info ou mytho? Une affaire non élucidée. Ça va, imaginez, vous achetez un truc sur le bon coin, vous l'ouvrez. Oh merde. Oh ma merde. Cadeau surprise. Vous avez oublié quelqu'un dedans. Ça c'est l'info de Romano. Info ou mytho? Écoute bien celle de Karim maintenant. Moi je vais vous parler de Roland Garros hein, qui s'est terminé hier avec la victoire de Novak Djokovic. Et il a choqué un peu tout le monde parce qu'il a dessiné juste à la fin du match un pénis sur la terre du court central. Voilà, sur la terre battue de court central. Exactement, j'ai remis les mots dans l'ordre. C'est mieux. En signe de sa domination sur tous les autres joueurs. Alors, est-ce qu'il a dessiné une bite sur Roland Garros ou alors est-ce qu'on a retrouvé un cadavre dans le congélo? Simon, qu'est-ce que t'en penses? Qui dit vrai, qui dit faux? Moi, je pense que c'est Romano. Qui? Info ou mytho? Qui dit l'info? Romano dit l'info, Karim est un mytho avec son zizi. C'est ça. Eh bien, c'est bon, t'as gagné. Bravo. C'est gagné, bravo. Simon. Bravo. Merci. Tu viens de gagner la première télé Samsung de la semaine et je vous le dis, ça sera pas la dernière. Attention. Eh ouais, 101 cm. Oh oui. De bonheur. 4K. Oh oui. Oh, oui. Smart TV connecté, Wi-Fi. Elle est pour toi, Simon. Bien joué. Et merci à toute l'équipe. Hein. Et Joko, je l'ai vu, c'est un cœur qu'il a dessiné. Bah oui. C'est plus joli qu'une bite. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Salut Simon, bonne journée à toi et belle télé à toi. T'embrasse. Salut Simon. Ciao. Ciao. Et tous les matins, on joue avec Info Mytho toute la semaine pour vous offrir vos télé Samsung. Ouais. Vos places pour l'Euro également à gagner. Peut-être avant 8h, on verra. J'espère qu'on va trouver le temps avant 8h. Place de l'équipe de France ce matin. On joue avec le Crédit Agricole tout à l'heure. Et là, on écoute Justin juste après les infos. Justin Timberlake. I can't stop the feeling à 7h33. Le point sur l'actu, Rémi. On va démarrer par les nouvelles de la météo qui sont un petit peu meilleures que celles qu'on a eues la semaine dernière. Ah oui, clairement, c'est mieux. Hein. L'eau se retire petit à petit. Les inondations ont été limitées dans l'Eure et en Seine-Maritime. C'est toujours nuageux ce matin des côtes normandes et au Pays de la Loire. Partout ailleurs, il fait beau. Enfin, s'il n'y a pas de brouillard, parce que par exemple, en Île-de-France, il y en a pas mal. Et en Champagne aussi, j'ai vu qu'il y avait des brouillards. Ouais, c'est vrai. Retour d'averses localisées et d'orages cet après-midi de la Normandie à l'Alsace en passant par l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions. Les températures ce matin, comprise dans le nord entre 12 et 16 degrés, 13 à Lille et 16 à Paris, de 10 à 17 dans le sud, 13 à Lyon et 16 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 au Havre, 22 à Quimper, 23 à Rennes, 24 à Marseille et à Lille, 25 à Montpellier, 26 à Lyon et à Paris, 27 à Carcassonne et 28 à Avignon. Et puis la pollution, bah c'est pas terrible hein. En ce début de semaine, les indices sont compris entre 3 et 5, beaucoup de 5, notamment à Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Nice. Un petit conseil pour gagner de l'argent, tiens, juste après les infos. Ah oui. Et oui, mais d'abord les infos et le sport sur Skyrock. Maroc. 4 morts et 24 blessés, c'est le bilan des inondations qui ont frappé principalement le centre et l'Île-de-France. Manuel Valls réunit plusieurs ministres ce matin et des experts en assurance avant de se rendre à Montargis dans le Loiret. L'heure est désormais au bilan et surtout au nettoyage. Les représentants de ces assurances évoquent une facture qui pourrait dépasser le milliard d'euros. Il reste tout de même 7800 foyers qui sont privés de courant ce matin. Le RERC reste fermé à Paris intramuros, tout comme l'A10 au nord d'Orléans, où les évacuations des voitures qui sont restées bloquées à cause de l'eau vont se poursuivre aujourd'hui. Une semaine difficile sur le plan des contestations alors que l'euro va débuter dans 4 jours. La grève déjà qui se poursuit aujourd'hui à la SNCF. Dans le secteur de l'énergie, une mobilisation est prévue jeudi. Plusieurs raffineries restent au ralenti ce matin. La grève touche désormais les éboueurs et les égouttiers. Le plus gros centre de traitement des déchets d'Île-de-France est bloqué depuis une semaine et ça commence à déborder dans certaines villes. Enfin, ça ne sent pas bon du côté d'Air France. Les syndicats des pilotes appellent à cesser le travail du 11 au 14 juin, notamment pour défendre l'emploi. On votait hier dans l'Ain pour élire le député de la 3e circonscription. Le second tour dimanche verra s'opposer les candidats républicains et FN. Le PS a été balayé donc dès le premier tour. 3 morts et une quarantaine de blessés. Bilan dramatique d'un accident de train hier soir en Belgique. Deux trains qui reliaient Namur et Liège sont entrés en collision. Ils circulaient sur la même voie pour des raisons qui restent encore à éclaircir. Et on va parler sport avec François Hollande. Dis donc. Ah ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Sportif le Hollande. Le président s'est rendu hier au centre d'entraînement où il a dîné avec les joueurs et le coach Didier Deschamps. Il a reçu un maillot avec le numéro 24 floqué de son nom en mode 24e homme de l'équipe. Le message a été clair. La France compte sur vous. Place désormais en tout cas à la fête. On l'espère. Les équipes commencent à arriver en France. Les Anglais ont débarqué hier soir alors que nos premiers adversaires, les Roumains, sont déjà sur la région parisienne dans le 9-4 je crois même. Et ils se sont déjà entraînés. Auri Laville, c'est 9-5 quoi ? Je crois oui. Ouais, ben 9-5 alors. Mmh. Fin de l'aventure entre Makelele et Monaco. Le directeur technique de l'ASM a été limogé. Il a rencontré ce week-end le boss du club. La collaboration n'a duré que 5 mois. L'ex-international s'apprête à intégrer la cellule technique de l'UFA. Et puis la NBA avec la finale du championnat. Les tenants du titre mettent la misère à Cleveland. Deuxième victoire des Golden State cette nuit, 110 à 77. Donc grosse, grosse victoire. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h. Ouais. Là, il est 7h36 sur Skyrock et on va gagner de l'argent ce matin. Tiens. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Ah c'est marrant, on parle d'argent et Romano fait son apparition juste derrière. Les conseils pas chers les prochains, à quelle heure? Bah vers 8h10. 8h10 tout à l'heure, mais avant ça, bah tiens, une bonne idée pour gagner de l'argent ce matin. Ah bah je prends aussi hein. Je vous pose une question et juste après je vous donnerai la petite idée pour gagner des sous. Quelle est la profession qui vous fait le plus fantasmer? Tiens, dites-nous. Vous habillez quelqu'un avec un uniforme par exemple et ça peut peut-être vous exciter hein Cédric? Ah ouais, ouais. Les infirmières. Les policières. Très bien. J'aime bien. La façon dont tu le dis, moi je serais infirmière ou policière, je flipperais quand même. Oui, les infirmières. Les policières. Dites-nous quelle est la profession qui vous fait fantasmer. Je sais pas, peut-être carioler une profession qui te fait fantasmer à part animateur de radio comme Difool. Les pompiers. Les pompiers, c'est vrai. Ridicule. On est encore dans les. Dans les uniformes. Tiens, avocate pour Victor, là. Infirmière pour le centre. Tiens, laissez-nous vos messages. Et dans un instant, je vous donne mon conseil pour gagner des sous. Grâce à votre profession. Ah ouais? Eh ouais. Tiens, j'espère. Animateur radio, c'est dedans, j'espère. Non. Il y en a un qui craint, là, qui nous dit écolière. Oui, toi, t'es dangereux. Oui, absolument. Tu es dangereux. C'est Tips qui nous envoie le message. Il a 15 ans. Salut à toi, Tips. Allez, on en reparle tout de suite. On vous offre vos places pour aller voir le match de l'équipe de France. Et oui, avant 9h, on a promis un match de l'équipe de France à gagner. Allez, les bleus. Ce sera pour vous sur Skyrock. Et le réveil de star, on ne l'oublie pas. Ce sera, tout à l'heure, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Aux alentours de 7h50, une star vient réveiller les Français. Bah, tiens. On va se réveiller avec Justin Timberlake, c'est pas de la star, ça. Ah, c'est une grosse star. Allez, Can't Stop the Feeling sur Skyrock. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. We'll magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop that. C'était le son de Justin Timberlake, un son que vous avez découvert sur Skyrock en exclu européenne. Attention, attention, il est 7h42. Voici maintenant ma bonne idée pour gagner des sous. Alors, une profession qui fait fantasmer. Je vous ai posé la question il y a quelques instants et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, Gomard, Margot, qui nous dit, à part animateur de radio comme toi, dit Foul. Je dirais policier, j'aimerais me faire attacher avec des menottes. Très bien, Margot. Sarah nous dit, moi, avec un footballeur, comme ça, je tourne une vidéo avec eux et je leur fais un petit chantage à la sextape. Pas mal. Pas mal. N'oublie pas que sur la sextape, tu serais dessus quand même. Oui, je dis Sarah. Moi, avant, c'était les infirmières. Depuis, je suis tombé sur une vieille. Je me suis fait opérer des genoux, ça m'a refroidi. Ah, t'es tombé sur une vieille infirmière. Mais il y a de tout chez les infirmières. Hein. Quelle est la profession qui vous excite? Moi, c'était une prof avant de quitter le bahut. Genre une prof de français qui m'excitait pendant qu'elle me faisait la dictée. Ah, bim, c'est pas mal ça. Bim, bim, nous dit Aurel. Alors, faire l'amour avec, avec qui? Romano, tu choisis une profession. Banquière. Bah, ouais, mais moi, ça dépend quand même de la tête qu'elle a aussi, quoi. Directrice de la Banque de France. Ah, ça, c'est mieux, ça. Directrice du FMI, Christine Lagarde. Ouais, là, c'est moins bien. T'as bien, bon, j'échappe à DSK, qui était juste avant elle. DSK. Sympa comme tout. Alors, une des professions qui vous fait fantasmer, qu'est-ce que vous nous avez dit? Vous nous avez dit secrétaire, j'ai plein de secrétaires pour Jules. Il y a Salimette. Et qu'est-ce qu'elle dit, Salimette? L'uniforme sexy des pompiers. Ah, ouais, les professeurs, les profs pour Elias, une animatrice carriole pour The Boss. Ah, ouais, mais elle est prise. Bah, attends, c'est elle qui dessine. Hein. C'est vrai. Non, mais elle est prise. Jusque quand je suis prise, on sait pas. Militaire, hôtesse de l'air. Bah, tiens, justement, hôtesse de l'air, vous en parlez. Ah, ouais, hôtesse de l'air. Je vais vous donner un petit tuyau pour gagner des sous. Mmh. Des hôtesses de l'air ont eu une idée pour arrondir leur fin de mois. Elles ont mis en vente aux enchères sur eBay, sur le Bon Recoin, leurs collants, leurs chaussures, leurs bas et des vêtements d'hôtesse de l'air. Mmh. Eh bien, dites-moi, le truc, ça cartonne. C'est un truc de fou. Elles se font un maximum de thunes avec ça. Ah, c'est ouais. Marrant. Donc, un petit conseil qu'on peut vous donner, si vous êtes infirmière, vous mettez votre blouse en vente, vous dites je suis infirmière, je mets ma blouse en vente, vous allez vous faire un maximum de thunes. C'est marrant. Sérieux? Ouais, quoi, c'est juste des timbrés qui achètent ça, quoi. Oui, ce sont des fétichistes, Romano. C'est comme ceux qui achètent les culottes sales, quoi. Exactement, ça marche aussi très fort. Vous avez une culotte chez vous. Ah ouais, elle est sale, oui, elle est sale. Non, on avait fait le test dans la radio libre, on le fera peut-être cette semaine, tiens, si on a 5 minutes dans la radio libre, on refera le test. Tu vends des slips, des culottes, et tu peux te faire un maximum de thunes. Ah ouais, ouais. Mais il y a des sites spécialisés pour ça. C'est les sites pour fétichistes. Culottesales.com, par exemple. Donc si vous voulez gagner un petit peu d'argent, n'hésitez pas. Ah ouais. Mettez en vente vos trucs. Oh, elle est toute sale, ma culotte. Vous êtes maçon, vous mettez en vente votre casque. Peut-être que vous allez vous faire un maximum de ouais, cas. Un casque, une truelle, c'est le bonheur. Exactement. Vous êtes footballeur, vous mettez en vente vos chaussures qui puent. Ouais, c'est ça, vos chaussettes. Ah ouais, les chaussettes avec. Ou alors vos chaussettes. Et ça peut fonctionner. Et ça a d'ailleurs très bien fonctionné pour les hôtesses de l'air. Ça nous a donné une petite idée ce matin. Tu voulais appeler les compagnies aériennes ce matin, Romano, avant qu'elles soient en grève fin de semaine. Ouais, c'est ça. Et récupérer les vieux vêtements des hôtesses de l'air, éventuellement des pilotes également. Pour les revendre. Bah, ah, évidemment, oui. C'est ça. C'est les ça pourrait être les conseils pas chers. Ouais, là, c'est un French test, mais mélangé avec un conseil pas cher. Oui, c'est vrai que tu pourrais gagner des sous avec French test. Le French test sur Skyrock. Allons-y, c'est parti. On file chez qui? Là, bah, chez Ryanair. Ryanair. Bonjour. Après le bip sonore, le service vous sera facturé 35 centimes. Non, mais Ryanair, vu comme c'est des pinces, les mecs, ils vont me les faire payer, les costumes. La prochaine fois, oui, c'est vrai. Appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Très bien. Dièse. Voilà. Non, c'est la prochaine fois, t'as dit. Ah. Bah là, il se passe plus là, maintenant. Cédric, tu fais. Bien joué, Cédric. Bienvenue chez Ryanair. Bonjour, Ryanair. Je sens que c'est vous avez été mis même. En attente. Oui. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Merci, par ailleurs, Ryanair. Un service gratuit de support web chat est disponible sur notre site internet. C'est bien, ils nous disent ça, c'est gratuit. Avec juste après nous avoir piqué 35 centimes d'euros. De la qualité, cet appel pourra être enregistré. Ah, bah, il va être content du voyage. T'as la meuf, quand elle a enregistré le message, il n'y avait pas de meubles dans le bureau. Non, elle était dans les toilettes. Les toilettes, ouais. Je vous rappelle que Ryanair, c'est discount. Ouais. Allô? C'est discount d'ailleurs. Mais c'était Ryanair qui avait pensé faire voyager les gens debout en enlevant les sièges. Ouais. Pour que ça fasse un peu plus d'argent et plus de monde. Comme dans le bus. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais ils voulaient le faire. Ouais, et, c'était eux aussi qui voulaient faire les chiottes payants. Mais d'ailleurs, ça n'est pas payant d'ailleurs. Ah, je sais pas, c'est possible. Tout est payant à l'intérieur. Ryanair, ouais, tu t'assois, c'est payant. Vous voulez un siège? Ah, bah ça va être payant. Tu veux un verre d'eau, c'est payant. Tout est payant. La sonnerie aussi. Et Ryanair, en fait, tu te lèves dans l'avion, c'est payant. Oula, monsieur, vous êtes levé, c'est 2 euros. Allez hop. Bon, alors. Sinon, appelle Air France, Cédric. Hein. Là, j'en appelle plusieurs. Vas-y, appelle tout le monde, Cédric. Donc, récupérez des habits d'hôtesse de l'air. Je vous assure, vous les revendez après. Vous les mettez sur le bon coin ou sur eBay. Pas les jets privés. Allô. Bonjour. Allô, les avions. Allô, les avions. Allô, les avions. Oui. Oui, je suis l'avion. Allô, les avions, les jets privés. Allô. Très bien. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de me faire foirer ma magouille là. Eh ben oui, ta magouille, Romano. Alors vas-y, Cédric. Non, mais tu peux faire ça avec des keufs. Il y a un keuf qui nous vend Bon, allez, vas-y, appelle la commissariat. C'est menottes, si ça vous branche. Si vous voulez des menottes, n'hésitez pas. Allô, les avions. Il nous dit. Allô. Allô. Oui, bonjour, c'est les avions. Oui. C'est qui? La rame. Oui, bonjour. Allô. Allô. Oui, vous m'entendez bien, monsieur? Oui. Oui, bonjour, j'aimerais avoir un renseignement. En fait, je vous explique, je suis collectionneur des habits des hôtesses de l'air et des pilotes. Est-ce qu'il y aurait moyen de récupérer des affaires? Genre des ton affaires, genre ton, je peux pas récupérer ton slip? Je peux venir récupérer ton slip, ami de la compagnie aérienne? Parce qu'il a des slips de la compagnie aérienne. J'espère. C'est pour s'envoyer en l'air. Ouais, ouais, c'est ça. Allô. Non, c'est pour s'envoyer en l'air, c'est sûr. Donc récupérez tout ça. N'hésitez pas. Vous connaissez des infirmières, des keufs, des professeurs, des hôtesses de l'air. Merci monsieur de nous avoir rajouté un petit bout de tambour. C'est sympa. Non, c'est sympa comme tout. Et vous pouvez gagner de l'argent comme ça. Ça marche. Ouais. Et tiens, les places sont là. Peut-être pour vous ce matin, des places pour aller voir. Je vous dis le match. Ouais. Ah ouais, bah, France-Suisse. Bip bip. Ouais. C'est France-Suisse qu'on va vous filer ce matin. Les places pour l'Euro 2016 à gagner avec le Crédit Agricole toute la journée. On a 200 places encore cette semaine à vous filer. C'est dans quel stade, France-Suisse? Ah, c'est à Lille. Ah, le stade de Lille. Et c'est pour les Lillois. Bon, préparez-vous, ce sera avant 9h, c'est sûr. Où que vous soyez, vous pouvez gagner, hein, c'est pas réservé aux Lillois. Hein. Exactement, sûr et certain, place de l'Euro à gagner. L'horoscope dans une minute, il arrive aussi. Et notre réveil de star à retrouver sur Skyrock, le réveil de star. C'est pour vous, c'est à pas louper. Et Major Lazer aussi sur Skyrock. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure. Premier album de Niska, disponible partout. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Tous les 200-300 bornes, j'ai encore au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits .s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock à 7h49. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On démarre avec les béliers, les vierges. 5 sur 5, meilleure puissance amoureuse du jour. Bravo les béliers, bravo les vierges. Vous êtes tellement bien ce lundi que vous réussirez tout, mais sans vraiment vous en rendre compte. Ah bah ça c'est cool ça. Faites aucun effort et vous réussissez ce que vous avez envie de réussir. Tout béliers, vierges, tout roule dans tous les domaines de la vie. Et notamment en amour. L'amour à 4 sur 5 pour les poissons et les balances. C'est bien, tout le monde vous apprécie aujourd'hui. Vous serez très sollicité en cette journée. La journée va passer très très vite. 3 sur 5, les taureaux et les lions, un premier jour de la semaine tranquille pour vous. Pas de mauvaises surprises, que des bonnes, pas de galères, que de la séduction et que de l'amour pour vous. Beaucoup d'amour pour les taureaux et les lions. 2 sur 5, les capricornes et les cancers. Un petit peu de stress aujourd'hui. Bon, c'est pas le jour où prendre des décisions en amour. Vous avez toute la semaine pour les prendre. Hein. Posez-vous et profitez quand même de ce lundi. Les capricornes, les cancers. 2, 1 pour les verseaux et les gémeaux. C'est la jalousie qui va vous pourrir la vie, qui risque de pourrir la vie de ceux qui vous entourent. Verseaux, gémeaux, 1 et 0 sur 5 pour les scorpions et les sagittaires. Vous serez dans un jour sans en amour. Par contre, dans tous les autres domaines de la vie, c'est bien. Voyons-moi ça. Mais au niveau séduction et amour, c'est pas votre spécialité du jour. C'est que passager, rassurez-vous, scorpion, sagittaire, on vous embrasse. Et dans un instant, gros bisous. On retrouve celui qui va réveiller les Français ce matin. Can you hear me? Oui, on t'entend. Can you hear me? Oui, on t'entend. Can you hear me? Vous allez voir, il est relou. Oui, relou, mais rigolo. C'est Nelson Montfort qui arrive pour fêter la fin de Roland-Garros. Eh ouais, ça y est, c'est fini. Nelson Montfort. Can you hear me? Qui vient réveiller les Français ce matin. Préparez-vous. Là, c'est Major Lazer sur Sky. Sur Skyrock, on écoutait Major Lazer. 7h54, c'est l'heure du réveil de star. Le réveil de star du jour avec, attention, attention, Nelson Montfort. Can you hear me? On t'entend bien, Nelson. Nelson qui va passer un été à nous prendre la tête. Sur France 2, il y a les JO et je pense qu'il sera là pour toutes les interviews. Ah bah, il sera là, oui. Oh yeah, Nelson Montfort. Parfois, il oublie de traduire, on comprend absolument rien de ce qu'il a dit. Ouais, et puis des fois, il prend la tête aussi aux athlètes. Oui, c'est vrai. Hier, il y a eu un petit problème. D'ailleurs, raconte, Romano. Bah, en fait, Nelson

Bonne journée sur Skyrock, 8h04, on n'est pas en avance. Le morning de Diffoul, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Ce Rémi, toujours en retard pour les infos, c'est quand même dingue. Hein. C'est pas croyable ça. Ah là, c'est fou, hein, c'est fou. Dans un instant, il y a Florida qu'on va retrouver sur Skyrock, Florida avec My House. Mais tout de suite, les infos de Rémi. Et puis vos 1 500 €, vos conseils pas chers, évidemment. Ouais. Les places pour l'Euro avec le Crédit Agricole Skyrock. Vous file encore 200 places cette semaine. Et un match de l'équipe de France à gagner, France-Suisse avant 9h du matin. C'est promis, juré. C'est 8h04. Allez, c'est les infos. On commence par la météo, Rémi. Et encore 14 départements en vigilance orange pour les crues ce matin dans le centre, en Île-de-France et en Haute-Normandie. L'eau se retire petit à petit et les inondations ont été limitées dans l'heure et en Seine-Maritime. Côté ciel, c'est nuageux ce matin des côtes normandes au Pays de la Loire. Attention également au brouillard par endroits, surtout si vous êtes en voiture. Retour d'averses localisées et d'orages cet après-midi de la Normandie à l'Alsace, en passant par l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions. Les températures ce matin, 10 degrés à Gap, 11 à Dijon, 12 à Blois et à Beauvais, 13 à Lille et à Lyon, 14 à Strasbourg et à Lorient, 15 à Bordeaux, 16 à Marseille et à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 21 à Caen, 22 à Biarritz, 23 à Alençon, 24 à Marseille et à Lille, 25 à Nancy, 26 à Lyon et à Paris, 27 à Valence et 29 du côté de la Ville Rose à Toulouse. Et puis la pollution, bah pas terrible tout ça. Hein. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Nice. Et toute l'actu avant vos 1 500 €, toute l'actu et tout le sport sur Skyrock. La décrue est lente, mais elle est en cours. Des centaines de sinistrés sont rentrés chez eux et découvrent les dégâts. L'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi en Conseil des ministres. D'ici là, Manuel Valls se rencontre ce matin les représentants des assurances qui parlent d'une facture qui pourrait dépasser le 1 milliard d'euros. 7 800 foyers sont toujours privés de courant. Le RERC reste fermé dans Paris intramuros, tout comme l'A10 au nord d'Orléans. Le bilan quasi définitif des intempéries fait état de 4 morts et 24 blessés. Dernière journée de négociation sur le temps de travail des cheminots. La CGT et Sudrail maintiennent la pression. 6e jour de grève, moins de galères sur les cas tout de même avec 6 TGV et TER sur 10, un intercité sur 3 et un transilien sur 2. Premier tour des élections municipales en Italie. Le coup de tonnerre pourrait avoir lieu à Rome. Virginia Raggi serait en tête au premier tour devant le candidat du Parti démocrate du Premier ministre Matteo Renzi, le candidat du mouvement 5 étoiles, la candidate du mouvement 5 étoiles et qui se dit anti-système compterait une dizaine de points d'avance. La gauche est en tête à Milan alors que le maire sortant de Naples, très critique envers le gouvernement, pourrait être réélu dès le premier tour. La suite des primaires démocrates aux États-Unis. Hillary Clinton s'offre l'île de Porto Rico. L'investiture se rapproche pour l'ex-secrétaire d'État. 6 États votent demain et la candidate devrait obtenir le nombre de délégués nécessaires. Puerto Rico. Bon, retour à Clairefontaine. François Hollande aussi. On parle un peu de rugby aussi. Le président s'est rendu hier à Clairefontaine où il a dîné avec les joueurs et le coach Didier Deschamps. Il a reçu un maillot avec le numéro 24 floqué de son nom. Le message a été clair. La France compte sur vous. On verra tout ça dès vendredi. La France affronte la Roumanie. Les Roumains qui sont déjà sur place dans l'Oise. Ils se sont entraînés même. C'est dans l'Oise, ouais. D'accord. Et puis les Anglais ont débarqué hier aussi. Donc tout le monde commence à arriver petit à petit. La 26e et dernière journée du top 14. Toulon a laminé Bordeaux-Bègles 44-3. Le RCT se qualifie pour les demi-finales. Le Racing a dominé Montpellier 40-25. Les deux équipes devront disputer les barrages. Victoire également hier de Brive, Castres, Toulouse, Agen et Clermont. Et puis il rejoindra sa dernière demeure vendredi. Mohamed Ali sera inhumé à la fin de la semaine dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. L'ancien président Bill Clinton prononcera une partie de l'éloge funèbre et Barack Obama pourrait faire le déplacement. Le triple champion du monde de boxe s'est éteint, vous le savez, dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 74 ans. Merci Rémi. Il est 8h08 sur Skyrock. C'est l'heure des 1 500 € tout de suite. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le morning de Diffoul. The morning show. En direct sur Skyrock. Et la bonne nouvelle de ce début de semaine, c'est qu'on a encore 200 places à vous filer, 200 places à gagner pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. Oui. Ce matin, on va vous filer le gros match France-Suisse. Oui. Le premier tour de l'Euro, le match de l'équipe de France, la Suisse face à l'équipe de France. Et avant 9h du matin, on joue ensemble, c'est promis. On fait tourner la roulette et ce sera pour vous tout au long de la journée avec toute l'équipe jusqu'à ce soir, jusqu'à la radio libre de ce soir entre 21h et minuit. Et on aura aussi à vous faire gagner ce soir. Ouais. Et ce soir, n'oubliez pas, grand rendez-vous pour tous les fans de Soprano. À 21h, il a une surprise pour nous et pour vous. Mmh. Quelle est la surprise? On découvrira ça ce soir dès 21h, Soprano qui arrive. Bon, on va parler d'hygiène un peu ce matin avec tes conseils pas chers, Romano. Et dans un instant, on va découvrir les endroits les plus sales de la maison, pièce par pièce. Ouais, c'est ça, exactement. Et je vais faire les conseils pas chers grâce à ça. Je vais appeler des gens, je vais dire que chez eux, c'est dégueulasse. Très bien. Tu vas faire c'est du propre. Je pense qu'en général, en plus, ces genres de réflexions, ça fait toujours plaisir. Mais pour récupérer de l'argent, tout est possible. Ah, tous les coups sont permis, oui. Donc, on ira dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, et on verra l'endroit le plus sale dans chacun de ces. Ouais, c'est ça, ouais. Dans chacune de de ses pièces, chacun de ses endroits de la maison. Voilà, moi c'est tout sale chez moi, toutes les pièces. Non, c'est propre. Cédric, c'est partout sale. Non, c'est très propre. Bon, 9 500 euros tout de suite avant vos conseils pas chers. 1 500 euros, c'est à gagner sur Skyrock. C'est tombé il y a une heure chez Ludovic dans le 77. À Damary-les-Lys. Ouais. Ouais. Et on va voir ce que ça donne maintenant. C'est peut-être pour vous. Le jeu des 1 500 euros. 100 euros. C'est 1 500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et Romano Hall à l'enveloppe parce que j'ai toujours. Ne la cherche pas. Oui. J'ai toujours qu'un bras. Donc pour ouvrir une enveloppe avec un bras, c'est dingue. On se rend pas compte comment c'est utile de bras. Ah oui, c'est vrai. Parce que information exclusive, dit Foul a une tendinite. Oui, ah c'est vrai, je ne l'avais pas dit. Ah, ce matin encore. Ah bah oui, dit Foul a une tendinite. Alors. Pendant ce temps, moi j'ouvre l'enveloppe. Il est content, Romano. Hop là, ouais, j'aime bien ça. Avec sa petite enveloppe. Alors. Où est-ce qu'on va? Chez Romano. Étonnant. Non, on va dans le 22. Dans le 22, c'est la Bretagne. Ouais, c'est ça, à Lannion directement chez Anne Tremel ou Tremel. Anne Tremel, c'est parti. Ou Tremel. C'est parti pour les 1500 euros, vous connaissez le principe. On vous appelle et dès qu'on vous parle radio au téléphone, Skyrock. Skyrock. Et vous gagnez 1500 euros cash. Allô. Allô, Anne. Oui, oui, hein, c'est toi. Eh hey, oui, comment tu vas? Ça va. Ça va bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Mais qui est à l'appareil? Eh ben, c'est nous. C'est nous. Nous, qui? La radio. Eh ben, la radio. On est en direct à la radio. C'est pas possible. Mais eh ben, si, c'est possible. Mais si, c'est possible. C'est magnifique, c'est possible. Et pourquoi? Eh ben, pour t'offrir des sous. Eh oui, 1500 euros. On a tiré ton numéro au sort, on a 1500 euros à t'offrir, Anne. C'est pas possible quand même. Mais ah bah si, c'est possible. Mais c'est pourquoi la radio? Mais pourquoi la radio? J'écoute la radio, mais c'est tout. Alors, qu'est-ce que t'écoutes comme radio? On va te demander quelle est ta radio préférée. Bah là, c'est Europe numéro 1. Ah, Europe numéro 1. Ah ouais, bah non. Qui n'a de numéro 1 que son nom. Eh oui. Mais. Oh. Mais non. C'était Skyrock au téléphone, Anne. Ah bon, bah tant pis, hein. Eh écoute, il faut te brancher sur Skyrock, tu vas voir, c'est super. On rigole, on apprend plein de trucs. Et en plus, on gagne 1500 euros quand on répond Skyrock. Mais bah téléphone. Donc, j'ai pas gagné alors, enfin. Ah bah voilà. Bah voilà. T'as tout compris, Anne, pas sur ce coup. Mauvaise nouvelle en fin de compte. Oh, écoute, on va t'envoyer un t-shirt Skyrock, tu seras jolie avec. Très bien. On t'envoie ça à la maison, Anne. On te fait un gros bisou et viens nous écouter, Anne. Voilà, je vous remercie. On t'embrasse, raccroche pas. Et ouais. Le t-shirt l'été, tu vas être magnifique dedans. C'est ça, oui. Super swagué, Anne. Choisissez la bonne taille toujours. Ah, une petite taille. Une toute petite taille pour ah, oui, Anne. Oui, oui, bon. Oui, oui. Bah, tu vas dire ça à mon standardiste. Un 38. Ah, bon, on va faire ça bien. Allez, t'inquiète pas. Allez. Merci bien. Ne raccroche pas, Anne. Raccroche pas, on va prendre des coordonnées. Ça me fait plaisir de faire un t-shirt. Ah, bah oui, c'est vrai. On t'embrasse, Anne. Salut, Anne. Bisous. Elle est super. Au revoir, Anne. Super, la mamie. Ah ouais, ouais. Elle a la pêche. Hey, on en veut des mamies comme ça sur Skyrock. Bah, c'est pas possible. Elle est super. Anne, bon, elle a pas gagné. C'est tombé il y a une heure chez Ludo. C'est tombé peut-être chez vous le prochain coup. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche, 8h12. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Le morning show, les shows, les shows. Premier sur le cash. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door. Begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my.

Chaque jour, vous mesurez ainsi vos progrès que vous pouvez partager avec vos amis. Et en cas de coup dur, retrouvez des astuces pour surmonter vos envies. Pour arrêter de fumer, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc ? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. 20 modalités dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, France ! En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidé à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. C'est génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédits. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. 8h30 sur Skyrock, on joue au jeu de Cédric. Ah, il y a de l'argent à gagner, c'est pour Charlotte ce matin. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et Charlotte en direct avec nous, en direct de Limoges. Bonjour Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Alors on parle d'un animal, qui ne pourra pas aller voir les matchs de l'Euro et c'est bien triste. Quel est la pauvre bête. Cet animal qui a assisté déjà à plein d'euros mais qui ne pourra pas aller au prochain. C'est le coq. Le coq Balthazar. Eh oui, le coq de Clément. Oui, c'est Clément supporter. Oui, un vrai supporter. Il a assisté à 6 euros. Clément, c'est son dernier euro. Il nous dit, mais non, c'est pas le dernier. Enfin bon, oui. Ma colère est immense. On m'a dit que le coq faisait partie de la légende, mais on m'interdit de l'amener. Alors attention, la justification de l'UEFA, c'est parce que le coq vous placerait dans une situation délicate vis-à-vis des équipes de sécurité. On ne sait jamais si le coq est djihadiste. Ah. On sait jamais. Non, mais c'est vrai que c'est des vrais cons. Il a le droit d'y aller les autres. Et il est chez nous, il peut même pas emmener Balthazar. Alors hashtag morning de Difool, mais hashtag sauvons Balthazar. Bravo Charlotte, la bonne réponse, tu vas pouvoir jouer contre Cédric. Et t'as déjà gagné 50 euros. Hein. 50 euros pour toi. Tu sais que en 30 secondes, tu marques un maximum de points, on multiplie le nombre de points par 50 euros, tu vas gagner plein de sous. À condition de battre Cédric. Cédric, il se soucie tellement peu de son apparence que des algues vertes lui poussent sur le poil. Et pour couronner le tout, il est couvert de bestioles. Le morning de Difool sur Skyrock. Et en plus, il pue. Oh non. Ah, c'est pas vrai. Attends, il fallait attendre le final quand même. Attention, 30 secondes Cédric, t'es prêt? Allez, ouais, moi je suis prêt. Un peu de concentration, 3, 2, 1, top question. Question espace. En quelle année l'homme a-t-il fait ses premiers pas sur la Lune? Facile. Ah putain, je sais plus, vas-y passe. Ah, je passe. Rappeur, quel est le rappeur français qui va tourner son premier film avec Catherine Deneuve? C'est Nekfeu. Nekfeu, point. Bonne réponse. Roland Garros, avant de gagner le tournoi hier, combien de finales a perdu Djoko? Je sais pas. Tu sais pas? Non, propose. 3 c'était. Ça va pas vite Cédric, dis donc. Un point. Quel est le joueur qui a marqué un doublé samedi face à l'Écosse, équipe de France? Griezmann. Non. Combien de réponses? Bon bah c'est une catastrophe, tant mieux pour toi Caroline. Non c'est Charlotte. Charlotte pardon. Ah, t'es pas mal toi aussi. T'as marqué un point Cédric. Voilà, un point grâce à Nekfeu. Et l'année où on a fait les premiers pas sur la Lune, c'est 1969. Ah d'accord. Non mais quand même, la Giroud et Griezmann, t'as déconné. Oui. Match, mais j'ai pas suivi le match. Non mais tu aurais pu suivre les infos, on en a parlé toute la nuit. Là j'étais au standard. On en parle depuis ce matin 6h. Non mais j'étais au standard. Allez c'est parti, on y va pour toi Charlotte, faut faire plus de 1, ça me semble possible. Allez Charlotte, okay. Attention. Are you ready? Are you ready? C'est bon. Ok, 3, 2, 1, top question. Espace, en quelle année l'homme a-t-il fait ses premiers pas sur Mars? 75. Non, jamais. Oui, pas de chance. question, Roland Garros, qu'a dessiné Djoko sur le terrain de tennis? Un cœur. Oui. Un point. Rappeur, quel est le rappeur qui a joué dans 8 Miles? Eminem. Oui. Deux points. Équipe de France, combien de buts a pris Hugo Lloris contre l'Écosse? Zéro. Oui. Trois points. Et une autre question. Qui suis-je? J'ai 8 bras, je vis dans l'océan. Qui suis-je? pieuvre. Oui. Oui, 4 points. 4 points plus la question de sélection, ça fait donc 5 bonnes réponses. Eh bien, 250 euros. Bip, bip, 250 euros pour toi, Charlotte. Ah oui, car on sait compter. Eh oui. Bravo, Charlotte. 250 Merci. Euros comme ça en te réveillant avec Skyrock le matin, c'est cool. Ah ouais, c'est bien. Impeccable. Bien joué, Cédric. Une bonne réponse. Eh tu, oui. tu feras mieux dans bien la semaine. Bien joué quand même. Hein. Ah oui. Merci, ah bah, toi, ça t'arrange bien, ouais. Super, Charlotte. Tu fais quel temps à Limoges? Très beau là. Ah bah profite bien, nous on est dans le brouillard là ce matin. Ah, pas ça se lève un peu, soleil. Ça se lève un peu. Ça se lève, c'est vrai, comme nous, on est bien levé là. Oui. Bisous Charlotte, 250 euros pour Merci toi. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde. Et attention, bonne journée à toi. Et avant 9h, la journée commence bien puisqu'on vous offre vos places pour aller voir France-Suisse. Préparez-vous, le top avant 9h du matin. Mais tout de suite, place avec le Crédit Agricole. Mais tout de suite, les infos avec Rémi. On est bien accompagné, hein, le Crédit Agricole, Rémi, tout ça, 8h35, la les classe. Infos. On démarre par la météo pour aujourd'hui. 14 départements encore en vigilance orange pour les crues ce matin dans le centre, en Ile-de-France et en Haute-Normandie. L'eau se retire, c'est vrai, mais les inondations ont été limitées dans l'heure et en Seine-Maritime. Côté ciel, c'est nuageux ce matin des côtes normandes au Pays de la Loire. Retour d'averses très localisées et d'orages cet après-midi de la Normandie à l'Alsace en passant par l'Ile-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, eh bien, il fait beau, le soleil va faire de belles apparitions. Les températures ce matin comprises entre 12 et 16 degrés, 13 à Lille, 16 à Paris, de 10 à 17 dans le sud, 13 à Lyon et 16 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 18 à Dunkerque, 21 à Brest, 23 à Rouen, 24 à Marseille, Saint-Etienne et Lille, 25 à Bordeaux, 26 à Lyon et à Paris, 27 à Grenoble, 28 à Nîmes et 29 sur Montauban. Et puis la pollution, c'est pas terrible du tout. Les indices sont compris entre 3 et 5, ça monte à 5 un peu partout, notamment à Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Nice. Et dans 2 minutes, MH rap français avec Afrotrap, rap Quinry aussi avec Designer avant 9h, puis il y aura du Mike Posner, mais tout de suite les infos. Dernière journée de négociation sur le temps de travail des cheminots, la CGT Sudrail ne lâche pas l'affaire, 6e jour de grève, moins de galères sur les quais ce matin, mais on a quand même encore 6 TGV et TER sur 10, un intercité sur 3 et seulement un transilien sur 2, une semaine difficile sur le plan des contestations, alors que l'euro débute dans 4 jours, dans le secteur de l'énergie, ça sent la mobilisation jeudi, plusieurs raffineries restent ralenties ce matin, la grève touche aussi les éboueurs et les égouttiers. Enfin, ça ne semble pas bon du tout du côté d'Air France. Les syndicats des pilotes appellent à cesser le travail du 11 au 14 juin, notamment pour défendre l'emploi. 4 morts et 24 blessés, c'est le bilan des inondations qui ont frappé principalement le centre et l'île de France. Manuel Valls réunit ce matin plusieurs ministres à Matignon, mais aussi les assureurs. Il se rendra ensuite à Montargis dans le Loiret. L'heure est désormais au bilan. Les assureurs qui évoquent une facture qui pourrait dépasser le milliard d'euros. 7800 foyers sont toujours privés de courant ce matin. Le début aujourd'hui du Ramadan, annonce faite hier par le Conseil français du culte musulman. L'Aïd, qui marque la fin du mois sacré, aura lieu autour du 5 juillet. Entre 70 et 80% des musulmans français pratiquent le jeûne. Bon Ramadan, en tout cas, à tous les concernés. Oui. 3 morts et une quarantaine de blessés. Bilan dramatique d'un accident de train hier soir en Belgique. 2 trains qui reliaient Namur à Liège sont entrés en collision. Ils circulaient sur la même voie pour des raisons qui restent encore à déterminer. On fait le point sur le sport maintenant. Le président François Hollande chez les Bleus, Makelele qui quitte l'AS Monaco. Et puis la fin de Roland-Garros. Un petit buffet, diète pour garder la ligne. Le président a dîné avec les hommes de Deschamps hier soir à Clairefontaine. C'est la dernière ligne droite. Et le chef de l'État tenait à encourager les Bleus en leur disant que la France compte sur eux. On verra ce que ça donne dès vendredi contre la Roumanie. Les Roumains sont chauds bouillants. Ils pensent qu'ils peuvent concéder le nul. Ils sont arrivés en région parisienne et ont déjà commencé l'entraînement. Enfin, dans l'Oise, pour être précis. Fin de l'aventure entre Makelele et Monaco. Le directeur technique de l'ASM a été limogé. Il a rencontré ce week-end le boss du club. La collaboration n'a donc duré que 5 mois. L'ex-international s'apprête à intégrer la cellule technique de l'UEFA et puis du tennis. Avec la fin de Roland-Garros, le Serbe Djokovic remporte pour la première fois le tournoi parisien. Il a dominé Andy Murray en 4-7, 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Un titre tricolore tout de même à signaler. Garcia et Mladenovic qui ont remporté le double chez les dames. Merci Rémi pour les infos. Et on parle tennis, on parlera tennis avec Nelson Montfort. Avant 9h du matin, nouveau réveil de star. Ah ouais. Hey. Nelson est de retour. Can you hear me? Oui, on t'entend Nelson. Et à 8h38, on vous souhaite une belle journée et on vous souhaite bonne chance aussi, attention. Aujourd'hui, c'est lundi, et c'est le morning de Difool. The morning show! En direct sur Skyrock. Et une nouvelle semaine de places de foot à gagner. Vous voulez vos places pour l'Euro, Skyrock et le Crédit Agricole vous filent 200 places tout au long de cette semaine pour assister à un des matchs de l'Euro. On a tous les matchs, ouais. Tous les matchs jusqu'à la finale, hein. Tout ça à gagner. Et ce matin, attention, on fait fort, c'est France-Suisse que vous allez pouvoir gagner. Je vous lance le top tout de suite. Vous voulez gagner France-Suisse? Champion, mon frère! Oui, on va être champion. Bah, il y a intérêt, hein. Eh bien, vous vous inscrivez tout de suite. 41 759. Appli Skyrock aussi. Vous la téléchargez vite, vite, vite. Bon, vous avez 3-4 minutes là hein, pour faire tout ça. Et nous envoyez vos numéros. On en tire un ou une au sort. Et vous irez à France-Suisse. Le match a lieu à Lille, au grand stade de Lille. Stade Pierre-Mauroy de Lille. Et c'est pour vous 2 places à gagner. C'est quel jour? C'est. Ah, tu me poses une colle. C'est le 19. Ouais, le 19. 19 juin. C'est le dernier match de notre poule. Ça sera. Ouais, me semble-t-il. Eh bien, c'est à gagner. Donc, ce matin sur Skyrock, top départ pour vos inscriptions. Et Cariole, avec ses petites mains innocentes, oui, ses longs doigts soyeux. Potelé. Ah, bah, moi, je vous le dis, c'est toi où toucher mon zizi. Hein. Ah. Et ma moule. Ah, n'importe quoi. Ah. Aussi, ouais, aussi. Allez, bonne chance à vous. On fait tourner la roulette dans un instant après Afrotrap sur Sky. Le morning de Difool. MST dans le morning de Difool. On est chaud. 6h-9h sur Skyrock. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Bonne chance. 200 places à gagner pour l'Euro sur Skyrock. Wow, wow, wow. On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de terre, après des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On fuit ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le fat, tu payes en caisse. Mon banc qui va gérer mes vêtements. Image de ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey mon ami, c'est bon l'enfant, aïe, fais bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis ça avant même. Gardier, appétit, on se barge la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardier, appétit, gardier, appétit, appétit. Gardier, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais m'épuiser mes gars font mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. On se tue l'air, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne est restreinte. Ungaté, appétit, quand je me barge la moule à du Brésil. Imbécile, je veux parler loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, quand je me barge la boule à du Brésil. Imbécile, je veux parler loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Afrotrap, la partie 5 d'Afrotrap, c'était MHD sur Skyrock. Il était d'ailleurs lundi dernier avec nous dans la radio libre. On s'est bien marré avec MHD, il est sympa ce MHD. Ce soir à 21h à ne pas louper, c'est Soprano qui débarque dans la radio libre avec une grosse grosse surprise. Soyez là, vous aimez Sopra? Bah oui. Vous aimez les sons de Sopra? Oui. Et ben entre 21h et minuit, surprise de Soprano dans la radio libre. Dès 21h, ils viennent nous voir et après ils cassent le ramadan. Ouais. Et oui. Donc juste avant le cassage du ramadan, ils débarquent chez nous. Soprano à ne pas louper. On a tiens, les places à gagner maintenant. Quel est le joueur qui, d'après vous, sera la star de cet Euro? Tiens, laissez-nous vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. Arrêtez pour les messages pour France-Suisse. On a plein et on a en plus sélectionné celui qui va faire tourner avec nous dans un instant. Ouais. J'ai un sondage. Sondage sur l'ensemble des Français, sur les amateurs de football en France, pour élire le joueur qui sera la star de la compétition. Moi, je dirais Griezmann. Moi. Tu dis Griezy pour ou Pogba. Pogba, bah, je dirais Pogba, ouais. Alors, Romano, la réponse n'est pas si fausse que ça. En tout cas, sur les amateurs de football, Griezy est premier. Ah, ben voilà. Ouais. Vous aurez les autres dans un instant, mais d'abord, votre roulette. Et ah c'est oui. Hakim qui a été tiré au sort. Allô, Hakim? Ouais, salut, salut l'équipe. Salut Hakim. Salut Hakim. 35 ans et t'es dans le 59 toi Hakim. Je suis dans le 59, ouais, sur Douai. Ah, hein. Comment ça va t'y ma biloute? Ça va, ma loute et t'y. Ah, ça va bien. Ça va. Ah, ça va, je suis pas le bras. Alors, Hakim, c'est qui la star de l'Euro pour toi? Bon, on va dire un français, on va dire Griezmann quand même. Tu dis Griezmann. Chez les amateurs de football, quand on demande aux amateurs de football, ceux qui s'y connaissent bien, ouais, ils répondent à Antoine Griezmann à 29%. Donc il est premier chez les amateurs de foot. Chez les Français en général, il est pas premier, mais on en reparle dans un instant. Mais d'abord, on passe aux choses sérieuses, Hakim. Ah, c'est la roulette. Ouais. France-Suisse, ça, t'es chaud nous aussi. Allez, on y va. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Hakim, la roulette, ouais, on la lance. Je la lance avec mon bras qui marche encore. C'est parti. Oui, car je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai encore une tendinite. Oui, on sait. Je fais partie des blessés de l'Euro. Est-ce que tu vas gagner France-Suisse? Attention. Ah oui, je vais gagner. Eh bien, le Crédit Agricole t'offre sur Skyrock tes deux places pour aller voir France-Suisse. Bravo. Et allez les bleus! Eh oui, allez les bleus! Deux places pour aller voir donc le match à Lille, en plus, pas loin de chez toi. Ah, excellent, à côté. Tu vas y aller avec qui? On est voisins. Bon, je vais voir, à mon avis, on va m'appeler, mon téléphone il va sonner là. Ah ouais, c'est clair, tu vas avoir de la demande, ouais. Ouais, ça va sonner là, les rapaces qui vont téléphoner là. C'est là, tu vas voir au téléphone des gens que tu n'as pas eu depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ouais, c'est ça, à mon avis. Tu te rappelles, j'étais avec toi à la maternelle, tu te rappelles de moi, Kim? Je t'avais prêté une gomme, tu te rappelles ou pas? Bon, on va faire monter les enchères. T'as raison. En tout cas, t'as des deux places pour France-Suisse, des places à gagner toute la journée. Je peux passer un petit message? C'est sur Skyrock. Ouais, vas-y, Hakim. Je peux passer un petit message. Ouais, je suis entraîneur de foot à l'ES Lambre et j'ai mon équipe qui joue la finale samedi. Ouais. Et j'espère que les supporters, ils seront là et je leur ai dit, on va la gagner. La coupe, elle est pour nous. Et c'est où donc, la finale? Vous pouvez, un petit message, allez, Romano et Difour et toute l'équipe, dire allez le SCL pour samedi. Allez le SCL pour samedi. Allez le SCL pour samedi, ouais. Champion. Merci l'équipe, excellent. Merci beaucoup. Ciao, Hakim. Allez, ciao. Salut, Hakim. Alors, Griezmann, préféré, ça sera la star selon les amateurs de football de cet Euro. Deuxième, on trouve Cristiano Ronaldo, ça c'est sur les amateurs de football. Et troisième, d'après vous, qui c'est? Zlatan. Oui, vous avez trouvé, vous êtes fort. C'est Zlatan. This is Zlatan. Oui, pourquoi? Zlatan is the best. Très bien, Zlatan. Il va être dégoûté, mais que troisième sur les amateurs de foot. Ouais, et en même temps, bon, la Suède, c'est pas non plus. C'est vrai. Après, on trouve Dimitri Payet, quatrième. Paul Pogba, cinquième. Ça, c'est le classement pour les amateurs de football. Ouais. Ceux qui s'y connaissent. Pour ceux qui n'y connaissent rien. Ceux qui n'y connaissent rien, comme Cédric. Et Carriol. Ouais. Non, je dirais Pogba. Et Carriol. En un Pogba, tu t'es trompé, Cédric. Ah, voilà. Chez l'ensemble des Français, la star de cet Euro sera Cristiano Ronaldo. Oui, mais il faut leur dire, il est portugais. Non, mais c'était la star de l'Euro. Ouais, mais bon, il faudrait quand même voter pour un Français. Ouais. Et les Français votent Cristiano Ronaldo. Deuxième. Pogba? Zlatan. C'est les plus connus. Oui, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. Numéro 2, Zlatan. Et troisième, Grizzly. Ah, quand même, enfin. Quatrième, Pogba. Et après, on trouve Dimitri Payet et les autres. Bon, voilà, vous savez tout sur l'euro. On a fait notre petit point euro. C'est bon? Oui. On fait le petit point sur l'amour, l'horoscope de l'amour qui arrive dans un instant. Et bon, c'est dans une minute même l'horoscope. Et attention. Nelson Montfort arrive. Il est de retour. Attention, il arrive avec sa belle voix. Oui, après le super réveil de star tout à l'heure, parce qu'il nous a bien fait rigoler, Nelson. Il est de retour. Can you hear me? Oui, Nelson, on t'entend. Oui, très bien. Il vient réveiller les Français. Réveil de star tous les matins, c'est sur Skyrock. Il est 8h47. Et l'horoscope dans une minute. Avec les offres Trilogy, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. Leclerc. Wow, maman, c'est quoi tous ces packs d'eau? De l'eau minérale naturelle des Alpes Tonon à 6 euros les 4 packs chez Leclerc. Ah ouais? En plus, c'est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un maillot de foot pour ton père. Non, cool! C'est parce qu'il y a des produits dont on ne veut pas manquer que du 1er 11 juin chez Leclerc, les 4 packs de 6 bouteilles d'1 litre 5 d'eau minérale naturelle des Alpes Tonon sont à 6 euros, soit 17 centimes le litre. 20 modalités dans les magasins participants. Elle est super bonne cette eau minérale. Elle a le bon goût des Alpes. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti, l'horoscope de ce lundi 6 juin. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on commence par les scorpions et les sagittaires. Vous êtes un peu dans un jour sans, en tout cas au niveau amour. Ce matin, vous avez 0 sur 5, c'est votre note amoureuse. Par contre, dans les autres domaines de la vie, c'est carton plein. Donc voilà, vous consolez avec le reste et la séduction, ce sera de retour dès demain, j'espère. Scorpion, sagittaire. 1 sur 5 pour les Verseaux et les Gémeaux, c'est votre jalousie qui se cassera la tête aujourd'hui. Ou les couilles, comme vous voulez. Hein. La jalousie sera encore plus présente que d'habitude. Ayez plus confiance en vous, les Verseaux et les Gémeaux, et votre journée sera meilleure. 2 sur 5, les Capricornes et les Cancers. Un petit peu de stress aujourd'hui, c'est pas le jour où il faut prendre des décisions définitives, surtout en amour. 3 sur 5, les Taureaux et les Lions. Un premier jour de la semaine, cool, tranquille pour vous. Pas de surprise, sinon des bonnes. 4 sur 5, les Poissons et les Balances. Tout le monde vous apprécie aujourd'hui. Vous serez sollicité par plein de gens qui vous entourent. La journée va passer très très vite. Et 5 sur 5, meilleure note de cette première journée de la semaine, meilleure note de ce lundi pour les Béliers et les Vierges. Vous vous sentirez tellement bien, tellement bien ce lundi, que vous pourrez presque vous croire dans un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Wow. C'est pour vous aujourd'hui, les Béliers et les Vierges. Can you hear me? Oui, Nelson, on arrive. T'es fatiguant, Nelson, un peu. Fatiguant, Nelson, mon fort. Il va fatiguer un Français, là, il va le réveiller. Oui, il va l'appeler. Le fatigué dès le réveil, c'est le réveil de star juste après Mike Posner sur Skyrock. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show! 6h-9h tous les matins. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage and stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Mike Posner sur Skyrock, I took a pill in Ibiza, 8h53, bonne journée. Bon réveil. Et le réveil de star de ce matin, c'est Nelson Montfort qui vient nous rendre visite. pour fêter la fin de Roland Garros, le premier Roland Garros de Djoko. Ouais, il était content, Djoko. Bah, tu m'étonnes. Hein. Hey. Il a galéré pour le gagner, celui-là. Parle bien français, Djokovic. Hein. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Mais tu as passé ton week-end à dormir, Romano. Ah, bah, en fait, j'ai dormi par assez beaucoup, beaucoup, pas mal. C'est vrai. Ah ouais, on a bien dormi. Oh, comme c'est mignon, ils ont dormi à deux. C'est beau, les amoureux. Hein. Non, non, moi, je dormais souvent, je m'endormais dans le salon et Carole est dans le lit toute seule. Vous voulez que je vous parle de mon week-end avec ta tendinite? Oui. Oui, alors. J'ai souffert le martyr tout au long du week-end, mais je suis là et content de vous retrouver ce matin, malgré ma tendinite. Merci pour ça. Ils sont même contents, donc, que tu te sois barré un peu là ce matin. Oui, parce que j'arrête pas de crier. Ah ouais, si t'arrêtes pas de gémir. Oh ah. Une tendinite, ça fait mal. Merci pour les messages que vous avez envoyés tout à l'heure. Tout à l'heure, à 7h, je vous demandais, au niveau de ma tendinite, puisqu'on est dans le sport, on peut parler des maladies de sportifs. Au niveau de ma tendinite, combien de temps ça allait durer? Des messages qui m'ont terrorisé. On m'a dit, c'est à vie, c'est chronique, ça reviendra, dis fou, t'inquiète pas. Aïe. Ah, ça veut dire que tu nous fâches régulièrement. Oui. Et sinon, il y en a qui m'ont dit que ça durait, parfois 2-3 semaines. Avant de revenir normal. Ouais, mais déjà, ce qu'il faut faire, c'est pas arrêter le traitement le lendemain que de la tendinite. Mais je suis pas trop médicament, moi. Je voulais voir si mon corps était plus fort que la tendinite. Non, mais on... Bah, la réponse est oui, mais non. Ton corps a perdu face à la tendinite. Oui, il a perdu là ce matin. En plus, t'as un petit problème d'épaule, donc ça aide pas, je pense. Bah, une tendinite à l'épaule, Cariole, c'est en effet un problème à l'épaule. Non, mais elle est très intelligente, Cariole. Non, mais c'est vrai que t'as les épaules en vrac aussi. Oui, c'est vrai. Il y a les épaules qui se déboîtent. Je suis trop souple. Ouais, c'est ça. Un contentionniste. Bon, notre vrai sportif de ce matin, je sais pas s'il a fait du sport d'ailleurs, mais il commente le sport sur France Télé, c'est Nelson Montfort qui vient nous rendre visite. Alors attention. Nelson Montfort himself. Il va nous faire une blague avant parce qu'il est très très drôle, Nelson. Vas-y, Nelson. Je vais donc essayer de respecter parfaitement mon surnom dans l'audiovisuel. Attention. Nelson Montfort, qui est donc Melson moins fort. Il est drôle, c'est Nelson. Hein. Il est drôle, c'est parce qu'il crie tout le temps. Can you hear me? Can you hear me? Allez, c'est parti. Réveille un nouvel Hervé ce matin, un nouveau réveil de star. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Et donc c'est Hervé qu'on a appelé ce matin pour le réveiller avec Nelson Montfort. Est-ce que le contact va être bon? C'est parti, c'est sur Skyrock à 8h55. Allez Nelson. Bonjour. Ouais, salut, c'est qui? Je suis prêt à répondre naturellement à votre question, mon cher Hervé. Votre question était du reste tellement pertinente que je l'ai oubliée. Je dis allô, oui, bonjour, c'est qui? Nelson Montfort, qui est donc Melson moins fort. Ouais, très bon, ouais. Nous sommes en direct. C'est bien, bah écoute, je suis bien content d'avoir pu faire un peu d'audimat, si tu veux. Ouais. On a établi vraiment une superbe complicité. Ouais. Il pourrait être un petit peu mon petit frère. Et... Oh, c'est gentil. Le petit frère de je ne sais pas qui, mais je veux bien. Nelson Montfort, bah ok, bah écoute. Mais ils sont moins forts aussi, alors. Pour gagner du temps, je vous éviterai également la traduction américaine de mes propos. N'est-ce pas? Donc, comme ça ira plus vite. Bah ouais, il faut. J'ai appris l'anglais en même temps que le français. Ouais. Et effectivement, je n'ai pas de traducteur parce que je n'en vois pas le besoin. Bah non, tu te débrouilles très bien. Je me débrouille en italien, en espagnol. J'ai quelques notions d'allemand. Ok. Et je peux faire une petite confidence. Je suis en train Vas-y. De peut-être pas d'apprendre, mais en tout cas de me mettre un petit peu au russe. Ah ouais. C'est peut-être un peu tard pour ça. Je ne sais pas. Moi, je parle français, picard, et puis un peu de charabia aussi, ouais. Et c'est très bien ainsi. Bah, je ne sais point, mais vas-y, tu es au bétail, quoi que tu fous là, tu vois pas que tu me téléphones à me poser des questions que je n'y comprends rien. Le russe est une langue qui me. Non, c'est du picard. Qui me motive énormément, surtout depuis mon séjour à Moscou l'été dernier. Ouais, bah écoute, t'as de la chance. C'est bien, tu vois du pays, bref. Auf Wiedersehen, ich liebe dich. Bon allez, ça n'a ni queue ni tête, là. Je commence à me lasser. Je sais pas quitter, c'est bien sympa, on a discuté un petit moment, puis c'est bien. Je vous embrasse tous. Ouais, bah moi aussi, si tu veux. Vous êtes excellent. Allez, ciao. See you soon. Oh, yeah. See you soon, Nelson. Quel bon contact avec Hervé, là. Ah ouais. Très bon contact, ça nous fait plaisir. Putain, il va parler russe bientôt. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour les JO de cet été. Pour qu'il fasse des progrès, parce qu'il a cru que le picard c'était du russe. C'est pas évident. Hein. Ouais. Nelson Montfort. Can you hear me? Oui, Nelson. Merci d'être venu ce matin dans le réveil de star, dans le morning sur Skyrock. Ah, 8h58. Ah, oui, merci, Nelson. Tous les matins, une star vient réveiller les Français dès 6h10. 6h10, 7h50, 8h50. Et là, il est 8h58. Le zap du morning arrive sur Skyrock et d'autres places à gagner pour l'euro encore ce matin sur Sky avec le Crédit Agricole. Jean-Paul ? Incroyable ! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir.

visit the lean, the fan. Credit cards and the scams, hitting the links in the van. Legacy, fan. Why is he lit like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. 6h-9h tous les matins. Il est 9h04 sur Skyrock, on vous remercie d'avoir passé le morning avec nous. C'est pas fini, hein, dernière ligne droite du morning. Le zap du morning arrive dans un instant. On a fait plein de choses ce matin, on a offert la première télé à la première Samsung, la toute nouvelle Samsung. Dans Info ou Mytho, vous la gagnez toute la semaine. Vous jouez avec nous, ouais, et vous partez écran, avec votre écran 4K, wow. Smart TV, oh. Donc ça veut dire que la télé est connectée à internet. Magnifique. Vous pouvez aller sur les applis dessus, ouais. C'est fantastique. Oui, vous pouvez même aller sur les applis, regardez votre appli Skyrock, magnifique. Vous pouvez. Donc elle est à gagner tous les matins. Elle est tombée d'ailleurs ce matin. On a offert les places pour l'Euro, les places pour l'Euro 2016 que vous gagnez tout au long de la journée avec toute l'équipe, avec le Crédit Agricole. 200 places à gagner encore cette semaine. Et ce matin, c'était France-Suisse. Ouais. C'est tombé, les 1500 euros. Et le Crédit Agricole va être content parce qu'il n'y a pas une fois, je crois, dans la matinée où tu as dit correctement le nom de leur banque. Crédit Agricole. C'est ma banque en plus. Ouais, mais. Je suis au Crédit Agricole, moi, monsieur. Eh ben, moi, si je peux aller chez eux s'ils m'offrent quelque chose. Oui, Romano attend toujours sa carte bleue, hein, ouais. Je vous le rappelle, ouais. Ami du Crédit Agricole. Mais d'ailleurs, je suis toujours sans argent. C'est vrai. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Ça fait deux week-ends que t'as plus ta carte bleue. Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai reçu la lettre comme quoi, soi-disant, tout était rentré dans l'ordre. Oui, parce que Romano est interdit bancaire à la Banque de France. Oui, à cause d'un chèque rejeté, il m'a envoyé à la Banque de France. Je ne suis sans le sou. Le pauvre. On a lancé un Romanoton la semaine dernière. On en est à 7 centimes d'euros. Merci pour tous vos dons. Ah oui. Et là, on a lancé un Difoulton. Si vous avez un bras en rab, on le prend, on le donne à Difoul. C'est pour moi, c'est pour ma tendinite. Et oui, car malgré ma douleur, ce matin, j'ai passé une belle matinée. Je suis content. Eh bien, c'est pas fini parce qu'il y a le zap. Eh bien, le zap du morning. Tu le veux tout de suite? Ah, bah, allez. Allez. Le zap du morning. Oui, bonjour Carrefour Market. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais, j'ai acheté un chorizo, je l'ai découpé, je faisais un petit apéro avec des amis. Ouais. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un préservatif. Oh. Ah, bah oui. Ouais. Je peux vous le ramener, du coup, vous me faites un geste commercial, genre un cadeau. Ah oui, bien sûr. Mais ramenez la capote avec. Comme ah, bah, tu peux nous voir, hein. Je vais me la mettre sur la tête. Ça marche, impeccable. Je viens et vous me faites un caddie gratuit. Oui, peut-être pas quand même. À demi. Chorizo volontiers. Un chorizo gratuit. Avec ou sans capote le prochain? Avec, bien sûr. Avec, j'espère. Bon, merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure, au revoir. Et vive Carrefour Kent. Attention, attention. Nelson Montfort. Can you hear me? On t'entend, Nelson. Vas-y, c'est bon, Nelson. On appelle. Allez. C'est parti chez Hervé. Comment il va être reçu, Nelson Montfort, par Hervé ce matin? It's ringing, Nelson. Yes, the phone is ringing on Skyrock. Allô? Bonjour. Vous êtes qui? Nelson Montfort en direct du stadium où vient de s'achever cette finale extraordinaire. Faut vous calmer, je sais pas ce que vous avez, si vous avez pris de l'extasie ou je ne sais quoi, moi j'en ai rien à foutre. À partir de là, ça devient un régal. Ah ça bah devient un régal, donc dis donc, Nelson. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Qui dit vrai, qui dit faux? Moi, je pense que c'est Romano qui dit l'info. Eh bien, c'est bon. T'as gagné. Bravo. C'est gagné, bravo. Simon. Bravo, bravo. Merci. Tu viens de gagner la première télé Samsung de la semaine et je vous le dis, ce sera pas la dernière. Attention. Eh ouais, 101 cm. Oh oui. De bonheur. 4K. Oh oui. Oh, oui. Smart TV connecté, Wi-Fi. Elle est pour toi, Simon. Bien joué. Eh ben, merci à toute l'équipe. Hein. Faut pas mal le prendre, Michel, mais c'est dégueulasse chez vous. Moi, je vous le dis tel quel. Et vous êtes qui exactement? Ah ben, moi, je suis Monsieur Lapin. Si je vais arriver dans 5 minutes et puis je vais nettoyer tout ça là. Ouais, venez, vous allez prendre un coup de pelle. Ah ben, tu ferais mieux de passer un coup de balai. Hakim, la roulette, ouais. On la lance. Je la lance avec mon bras qui marche encore. C'est parti. Oui, car je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai encore une tendinite. Oui, on sait. Je fais partie des blessés de l'Euro. Est-ce que tu vas gagner France-Suisse? Attention. Ah oui, je vais gagner. Eh bien, le Crédit Agricole t'offre sur Skyrock tes deux places pour aller voir France-Suisse. Bravo. Et allez, les bleus. Eh oui. Bonjour, monsieur Vacheresse. Comment allez-vous? Bien, vous? Ça va pas mal. C'est la radio, Ludovic. On est en direct ce matin. Ah, d'accord, ok. Et c'est pour t'offrir 1500 euros, monsieur Vacheresse. Eh ouais. Ludovic, on va te poser une question. Quelle est ta radio préférée, Ludovic? C'est Skyrock. C'est Skyrock. Eh ben, bien joué, eh oui. Champion, mon frère. Bip, bip. Champion, mon frère, Ludo. Tu viens de gagner 1500 euros sur Skyrock ce matin. Bien joué, Ludo. Vous déchirez l'équipe. Et bah lui aussi il a bien déchiré, bravo Ludo hein. En direct du 77 d'Amary Lévis, bah, il a gagné 1500 euros ce matin. Bon, une bien belle matinée quand même hein. Eh ben oui, mais demain ça recommence. Et demain ça recommence, c'est juste une petite question de Jeza. Vous nous envoyez des messages hein, tout au long de la matinée. Vous pouvez faire le hashtag morning de Difool, ou alors directement le 41759 ou l'appli, ouais. Et Jeza nous pose une question, c'est que je me suis posé la même question que toi. Jeza, 44 ans, qui demande à Cariole: Tu es sûr que c'est vrai pour la carte bleue de Romano? Il ne l'aurait pas fait exprès pour ne rien payer. Moi, je le soupçonne, Romano. Bah, tu sais ce que je fais? Non. Ce matin, là, quand je vais aller essayer de retirer, je vais filmer. Comme ça, vous verrez que je suis pas un mytho. Et filme bien le code aussi. Ouais, s'il te plaît. Ouais, et tous les numéros sur la carte. Je mettrai tout en gros plan. Surtout. Bon, eh bien, merci à vous pour cette belle matinée. Il est 9h09. On vous donne rendez-vous ce soir, 21h. Ne loupez pas le rendez-vous à 21h. Soprano vient nous faire un petit coucou. Et il vient nous présenter quelque chose. Alors je sais pas, peut-être une meuf, j'en sais rien. Moi, Soprano. Je sais pas, son style. Peut-être des concerts. Qu'il va peut-être venir avec un contrat pour moi. Peut-être aussi. Ah, en tout cas, il vient avec une surprise. Il nous a dit hey, je viens avec une surprise, on dit fou là. Ok, Soprano, pas de problème. Donc ce soir, Soprano en direct dans la Radio Libre. Ouais. Dès 21h. N'oubliez pas le rendez-vous, les doubles appels aussi de la Radio Libre. Évidemment, le clash de la drague et toute l'équipe qui sera là, la Marie. Yes. Karim, Samy aussi, avec les dernières nouvelles de l'Euro, bien sûr, en exclu. Et tous les soirs, et évidemment, vos places pour l'Euro 2016. Place à gagner encore ce matin avec Fred, qui est là et qui arrive avec ses places. Je suis là, J-4. J-4, ça y est, c'est la vrai. Pression monte. Moi, ça me rend fou. Ah, moi aussi, ça y est. Oh, j'ai envie de crier champion, mon frère. J'ai envie de dire allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Et ah oui, puis ce soir on commence à décorer le studio de Skyrock. Ah ouais. Ah ouais. On décore le studio de la Radio Libre. Ce soir on va se mettre en ambiance Euro, en mode Euro 2016. Qui est le décorateur en chef? C'est moi. C'est Romain D'Amido. Il faudra m'aider parce que j'arriverai pas à accrocher les trucs au plafond. Ah oui, ça, c'est sûr. Je te porterai avec mon épaule. Ah bah tiens, elle est bien barrée. Ça va mieux d'ailleurs cette histoire d'épaule ou pas? Non, Fred, on en est où? Merci à toi Fred de t'inquiéter parce qu'en tant qu'équipe ils sont complètement ingrats ces gens. Non, je t'ai demandé des nouvelles dans le week-end. Aussi, ouais. À part Cariole. Ah. Et moi? Alors, mon épaule me fait souffrir le martyr, mon bon Fred. Toujours? Je souffre le martyr. En plus, j'y prends des cachets, ça me drogue. Mais paraît que c'est mieux pour l'émission, on m'a dit. Peut-être que c'est la dernière semaine où t'as une épaule, surtout, hein? Peut-être la dernière semaine tout court. Ouais, bah, je vais te faire signer les papiers. Tellement je souffre. Oh. Oui, j'ai une tendinite. Merci pour les millions de messages que vous avez envoyés depuis ce matin. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci d'avoir passé cette matinée avec nous. Et... Mais tu joues toujours bien du piano. Hein. Oui, avec, avec les doigts de pied. Il est très fort. Bon, ce soir, j'espère que je serai en état et qu'on se retrouvera à 21h. Eh bien, on l'espère aussi. On l'espère tous. Croisons les doigts. Ah ouais, on croise tous les doigts, ouais. C'est bon, t'as fini ton cirque? Oui, ouais, j'ai fini. Ah, très bien. Bah, Fred, c'est parti alors. Eh ben, on peut y aller, coup d'envoi. Allez, Urban Music Non-Stop, le gros son de Skyrock tout au long de la journée. Ça va tout déchirer, vos places pour l'Euro. Et ce soir, 21h, le rendez-vous à pas louper. Ah, 21h, ok, mais à 20h, juste avant nous, il y a DJ Case qui débarque. Oui, ambiancé toute la semaine entre 20 et 21 avec DJ Case et son nouveau projet. Voilà, les meilleures soirées, c'est sur Skyrock évidemment. Ouais. Planète Rap, du live et du DJ Case. Et à 21h, la plus grande radio libre de France. Passez une bonne journée. Et puis demain matin, on se réveille entre 6 et 9 pour le morning. Merci de vous être réveillés avec nous. On vous embrasse tous et toutes et à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. T'as vu, moi aussi je joue du piano. Ah ouais. Et de la guitare, de la basse, de tout en même temps. Waouh, waouh, waouh. C'est l'homme orchestre. Vive Fredo. Ciao. Salut. Ciao. À toutes. À tout à l'heure. Ciao. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bon lundi. J'espère que tout va bien pour vous. À 9h12, rap R&B en non-stop. Et Justin Timberlake, on écoute maintenant, c'est Can't Stop the Feeling. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well, you already know. So just imagine.

21 Pilots à l'instant sur Skyrock, rap R&B en non-stop. J'espère que tout va bien pour vous. C'est reparti aussi pour une nouvelle semaine avec des places pour l'Euro 2016. On a 4 jours du coup d'envoi de l'Euro. Des places à choper, n'hésitez pas, c'est dans une quinzaine de minutes maintenant à partir de 10h le coup d'envoi des inscriptions. Et on fera tourner la roulette tout à l'heure entre 10h et 11h. Rihanna et Drake à écouter sur Skyrock, ça arrive tout de suite. Il y aura aussi le Escrew, le deuxième groupe de Nekfeu avec le morceau J'aurais pas dû, c'est dans un instant. Au moins une télé 4K.